Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Movies Nerd, l'émission mensuelle où on se retrouve pour parler de cinéma entre passionnés. Vous écoutez en ce moment l'épisode numéro 29, enregistré le 4 novembre 2016. Je suis Axel, un des autres qui vous accompagnera durant ce podcast, mais je suis pas seul car j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Eddy, mon co-hôte. Salut. Salut. Comment vas-tu? Ça va. Nickel. On n'a pas Morgan avec nous. Puisque bon, il a eu un problème avec son micro. Le chien a mangé le micro. Voilà. C'est toute une histoire abracadabrantesque. Je suis très fatigué. Oui, ce soir je suis très fatigué. J'ai eu une journée de dingue. donc voilà. Mais ça va très bien se passer. Morgan n'est pas avec nous en tout cas. Donc vous le retrouvez normalement pour le Parlons Cinéma prochain, où on aura aussi un invité. Bon, ça, vous verrez ça plus tard. Morgan, c'est son anniversaire demain, donc on lui souhaite un bon anniversaire en avance. Quand vous écouterez cette émission, vous pourrez aller lui souhaiter un bon anniversaire un peu en retard, malheureusement, puisque je pense pas qu'elle sera diffusée d'ici demain. Sur Twitter, @cinemorgan, @cinemaniac, pardon, @cinemaniac sur Twitter. Donc voilà, si vous voulez aller souhaiter un bon anniversaire. C'est là-bas. On a une émission. En fait, on avait une émission assez courte, donc on a décidé de rajouter quand même un film parce qu'en fait Morgan, il avait quand même, enfin, il a deux films dont il veut pas, enfin, dont il nous a demandé de parler à sa place. Mais sinon, on est un peu court au niveau des films, puisque moi personnellement, j'en ai pas vu énormément. Ou alors des films qui méritaient pas d'être. Qu'on en parle ce soir, donc voilà. On commencera donc avec un vidéoclub Movies Nerd sur Beetlejuice, donc en dernière minute, hein, celui-là. Ensuite, on aura la Selec, donc on parlera de Captain Fantastic, Don't Breathe, et deux films de Morgan, donc Une vie entre deux océans et Tamara. Ensuite, on aura le film du mois sur Miss Peregrine et les enfants particuliers. Et enfin, Ma Minute Nerd, qui sera assez rapide. Sur une série télé, voilà, j'en dis pas plus, vous verrez ça plus tard. T'as quelque chose à rajouter? Non, c'est bon. Ok, d'accord, nickel. Donc on passe directement au Vidéoclub Movies. Donc on est au Vidéoclub Movies Nerd sur Beetlejuice, donc comme j'ai dit, vraiment en dernier moment. Donc film réalisé par Tim Burton, sorti en 1988. C'est son deuxième long. Ouais, deuxième long métrage après Pee-wee Herman, Big Adventure, ça c'est vraiment un truc typiquement américain, parce que c'est pas du tout connu en France, en tout cas je crois pas. C'était pas bon du tout. D'accord. J'ai pas du tout aimé, moi. C'est un truc, enfin c'est une série pour enfants vraiment culte, mais aux États-Unis, mais qui, moi je la trouve vraiment flippante en fait. Oui. Ouais, ça fait vraiment flipper, enfin bon, après c'est comme on a dit. Le personnage est très bizarre, donc. Ouais. Non mais c'est fait exprès. Moi si j'avais vu ça en étant gamin, j'aurais fait des cauchemars. Mais après c'était un film de commande. Hein, donc... Oui. Donc voilà, ça c'est son film. Enfin c'est aussi un film de commande, mais je pense qu'il a mis quand même un peu plus de sa patte. Oui, quand même. Avec Alec Baldwin, Gina Davis, Michael Keaton, Winona Ryder, Jeffrey Jones, Catherine O'Hara. Catherine O'Hara. Ouais. Et bon, il y a aussi. Bon, il y a quelques autres acteurs encore. Je sais pas. Ils sont pas très connus. Hein. Ouais, ils sont pas super connus, donc voilà. Beetlejuice, de quoi ça parle? Michael Keaton. Ah oui, je l'ai dit, Michael Keaton. Tu l'as dit, j'ai pas entendu. Oui, je suis quasiment sûr que j'ai dit Michael Keaton. c'est quand même le personnage le plus important du film. Ouais. Donc voilà. Alors, Eddy, t'as proposé le film, donc je vais peut-être te laisser présenter rapidement de quoi ça parle. Après, on continuera sur notre avis, etc. Oui, le film, c'est très simple. C'est un couple. qui vit dans une grande maison à la campagne. Et un jour, ils vont mourir subitement et leur maison va être vendue. Leur maison va être vendue et du coup, il y a une famille, qui va aménager, une famille new-yorkaise, donc complètement aux antipodes de, bah, de ce couple-là, enfin le petit couple du Connecticut, quoi. Qui est tout, oui, oui. Voilà. Et là, c'est la famille Bobo de New York qui arrive avec ses idées de. Ces idées, c'est des citadins qui débarquent à la campagne, quoi. Donc, oui, voilà, c'est ça. Et du coup, eux, bah, le couple, ils vont, après un court passage vers l'au-delà, et finalement, ils vont se retrouver coincés dans leur maison, et ils vont vouloir chasser les nouveaux occupants, sauf que ça va pas du tout se passer comme prévu, et pour les aider, ils vont affaire à Beetlejuice, un fantôme exorciste, un vrai charlatan. Un bio-exorciste, il y a marqué en français. Oui, bio-exorciste. Et c'est un vrai charlatan, en fait. Voilà. Et qui est joué par Michael Keaton. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que finalement, on le voit dans le film, mais c'est, pour moi, c'est pas le rôle principal. Non. Ouais. Et pourtant, le film porte son nom. Donc bon. Oui, complètement. En plus, c'est, enfin, le nom, si on le traduit littéralement, c'est quand même jus de scarabée, donc c'est vraiment chelou. Non, mais enfin, bon, Michael Keaton, une performance quand même assez incroyable dans le film. Oui, mais il est excellent. Hein, il est vraiment super marrant. C'est un genre de The Mask avant The Mask. Ouais, mais il est beaucoup plus désagréable que The Mask comme personnage. Ouais, oui, complètement. Ouais. Parce que là, donc, il est vulgaire, il est sale, il est pervers. Enfin, il a tous les défauts possibles. The Mask est plus, The Mask, il est fou, quoi, complètement. Ouais, c'est ça. j'ai vu rapidement. Enfin, j'ai dû revoir rapidement le film, mais pas en entier. J'ai vite skippé sur Netflix pour me souvenir du film parce que ça faisait bien 5 ans que je l'avais vu et j'avais plus beaucoup de souvenirs. Enfin, j'avais 2 souvenirs principaux. C'était la scène dans le désert avec les effets spéciaux qui font un peu mal aux yeux actuellement. Mais un petit peu beaucoup. Ouais. Ça a aussi son charme. C'est ce qui aujourd'hui donne du charme au film. Ouais, complètement. C'est vraiment, tu peux pas, enfin, tu sais que si tu regardes un film des années 80, début 90, fin 80, voilà. C'est 88. 88, ouais. La scène du repas, que ceux qui ont vu, je pense, s'en souviennent aussi, puisqu'elle est extraordinaire. C'est génial, la, ça. C'est la famille, enfin. Ça débarque comme un cheveu sur la soupe, et c'est ce qui fait que c'est génial, surtout. Ils se mettent à danser, enfin ils sont possédés je crois, quelque chose comme ça, et ils se mettent à danser sur une musique, j'ai dit un genre de reggae mais je suis pas sûr parce que je l'ai pas vraiment. C'est Dayho de je sais plus qui. D'accord, ouais. J'ai plus le nom de l'artiste mais. Oui, mais de toute façon je crois, enfin je le mettrai derrière au cas où. C'est la banana soit de son quoi, c'est très. Oui, voilà, et puis ils se mettent à danser, enfin voilà, vraiment de manière. C'est trop. C'est des sonorités très, mais très Jamaïque ou très, très Afrique en tout cas. Et du coup, ça fait. C'est vraiment excellent, ça fait. Ouais. Ça dénote complètement avec le côté très froid et tout là de cette famille qui a tout aseptisé la maison dans une déco improbable et tout, et c'est vraiment très. Ouais. J'ai vu aussi rapidement un peu de la réalisation de Tim Burton au niveau de surtout des décors et tout ça, et c'est vraiment, enfin. C'est même en regardant rapidement comme ça, ça marque parce que on voit quand même qu'il a bien mis sa patte sur le film et que c'est vraiment son style quoi. Toute la partie dans l'au-delà, les décors sont géniaux. Ouais. Et même la maison, hein, y a des petits, enfin il y a vraiment surtout le grenier. La scène d'ouverture du film. Oui. La maquette. On a l'impression que c'est un plan d'hélicoplaire alors que finalement c'est un plan. Il y a cette araignée qui arrive là sur le titre à la fin, ça. Et c'est là qu'on se rend compte que. Qui arrive sur le toit de la maison, une grosse araignée qui du coup elle est à taille normale, c'est là qu'on se rend compte que c'était une maquette depuis le début. Ouais. Mais justement ça c'est marrant parce que moi je l'avais vu la première fois en DVD et on voyait pas vraiment au début que c'était une maquette, on pensait vraiment. Mais quand on le voit en HD, on se rend compte que c'est une maquette. C'est ça en fait, c'est que dès qu'on le voit en HD, on se rend compte directement, donc parce qu'on le sait en plus de base. Oui. C'est pas comme quand on le découvre la première fois. Ouais. Mais moi, je trouve que cette scène d'ouverture, c'est typiquement c'est pas que c'est typiquement Burton, parce que tout le monde aurait pu le faire, mais c'est surtout que ça résume tellement bien, en fait, ce qu'est le genre du fantastique. On pense qu'on survole un petit village du Connecticut, quoi, et à la fin, il y a cette araignée qui arrive dessus, et c'est, tout d'un coup, c'est l'incursion du surnaturel dans le réaliste, du coup, le fantastique, c'est ça, quoi, c'est pas comme la science-fiction. Ou la fantasy, l'ouverture du film, puis cette ouverture, du coup, elle pose tout de suite les bases de ce que va être le film, quoi. Oui, complètement. La musique de Danny Elfman, en regardant juste cette scène d'introduction, elle est vraiment géniale. On l'a tous en tête, normalement. Elle est vraiment super. La musique plus les images, et on sait qu'on va être dans un truc complètement bizarre, un peu farfelu. Complètement. C'est vraiment marrant, c'est ce qui est bien. Enfin, il y a vraiment du bon humour dans le film. C'est pas juste un film fantastique. C'est une comédie fantastique. Je me rappelle un peu, je crois, L'Exorciste, là, avec. Il avait une tête un peu spécifique et il était complètement, il se moquait complètement de l'exorcisme et tout ça. Je me parle que de souvenirs parce que j'ai pas vu le film depuis longtemps, mais voilà. T'as quelque chose à rajouter, Eddie, à propos du film? C'est que c'est vraiment ce qu'on peut dire sur le film, parce qu'après, aujourd'hui, c'est un film de Burton parmi les autres. C'est culte auprès de beaucoup de gens. Il y a eu beaucoup de cosplay sur Beetlejuice. Il y a eu plein de. Mais c'est surtout dans la filmographie de Burton, ce que ça représente, c'est que c'est vraiment les bases de son cinéma. C'est que dans Pee-wee, c'était un film de commande auquel il incorporait 2-3 petits trucs de Burton quand même. Quand on regarde Frankenweenie, son premier, et Vincent, ses deux premiers courts-métrages. Donc là, il avait vraiment mis sa patte, mais là, c'est le premier long-métrage c'est le premier long-métrage où il incorpore vraiment son style à lui. Ouais. Et du coup, c'est quelque chose qu'il va toujours parfaire par la suite, notamment dans Édouard aux mains d'argent. Oui. Qui est assez proche, mais du coup, dans quelque chose de beaucoup plus émotionnel et c'est plus un conte, Édouard aux mains d'argent. Une fable moderne. C'est vrai qu'on retrouve, en fait, Beetlejuice, on sent vraiment que c'est la ligne de départ de sa filmo, quoi. Moi, c'est comme ça que je le vois, ce film, en fait. Oui, complètement. J'ai vu tous ces films, du coup, et c'est vrai que ça me permet de, quand je me fais rétrospectivement, sa filmo en tête, comme ça, je me dis, mais Beetlejuice, oui, c'est le point de départ de son cinéma, quoi. En gros. Mm-hmm. Oui, complètement. Même si ses idées commençaient dans Vincent et dans Frankenweenie. Frankenweenie, celui de, enfin, quand il, qu'il a fait chez Disney, donc le court-métrage, Son court-métrage qui, du coup, et après, il a réadapté en film d'animation en stop-motion. C'est ça. En 2012, je crois. Il me semble. Ouais, quelque chose comme ça. En noir et blanc, qui était très bien, d'ailleurs. Ah oui, franchement. Enfin, pour moi, c'était la remontée. Après Dark Shadows, ouais. Moi, j'ai pas trop aimé Dark Shadows. Je sais que toi, c'est... C'est ça. J'y reviendrai quand je parlais de Miss Peregrine. Moi, j'ai jamais trouvé qu'il était parti. Mais il a fait des films géniaux pendant un temps, et après, il a fait des films sympas, je trouve. D'accord, ouais. Voilà. Et Dark Shadows, c'était ça. Oui, l'univers était là, mais c'était plus sympa que révolutionnaire, quoi. Oui, bien sûr. Je pense qu'on a un peu. Enfin, on n'a pas tout dit sur Beetlejuice, mais. Il y a la vision de l'au-delà dans Beetlejuice, quand même, qui est très. Qui est très spécifique, ouais. Voilà. C'est la première fois qu'on nous montre. Enfin, c'est la première fois que lui nous montre sa vision de l'au-delà, avec un au-delà, finalement, qui est plus fun et plus joyeux que le monde des vivants. Ouais. Le monde des vivants qui finalement est très aseptisé, tout ça. Donc voilà. Dans sa filmo après post 2000, donc ça se paraît, j'y reviendrai sur Miss Peregrine, il y a quand même eu des petites pépites par-ci, par-là. J'y reviendrai tout à l'heure. D'accord. Ouais, de toute façon, on en reparlera plus de sa filmo avec Miss Peregrine, je pense. Mais Burton, ça fait partie de ces réalisateurs qui mériteraient un podcast. Oui, malheureusement, on ne peut pas en faire sur tout le monde. Oui. Mais ce serait intéressant. Ce serait même intéressant quand même de parler de lui parce, pour voir aussi qu'est-ce qui à un moment a cloché pour une certaine partie du public. Ouais. Mais ils font dire que. Moi personnellement, je pense que c'est parce qu'ils se sont rendu compte qu'ils faisaient un peu toujours la même chose. Enfin, pour eux en tout cas. Je pense qu'ils en ont marre. Moi, je suis pas forcément de toujours, cet avis-là. Oui, oui, non, bien sûr, mais je prends l'avis général. Je pense qu'au bout d'un moment, au bout du troisième maquillage de Johnny Depp. C'est ça, il y a la grosse période ouais, Johnny Depp aussi. C'est, il y a eu un. Moi, je pense que c'est. Enfin, déjà, La planète des singes, c'est. Bon, c'est pas vraiment son film, on va dire. C'est vraiment un film de commande. Mais pourtant, moi, je trouve que c'est pas son pire film, hein, parce que La planète des non, singes, en plus, non, il est assez proche du roman original. Ouais, au niveau des maquillages, déjà, le film, il est splendide, quoi. Ah oui, les maquillages sont vachement bien, quand même. Oui, mais complètement. Bon, après, l'histoire, c'est autre chose. Mais, c'est sûr que ça vaut pas la version de 68. Ouais, 68. Enfin, le premier film, La planète des singes. Avec Charlton Heston, ouais. Ouais. Ouais. Mais on parlera après de sa filmo encore. Mm. Mais on va passer maintenant à La Selec. Voilà. Ouais. Donc on est à La Selec et on va commencer rapidement avec deux films dont Morgan voulait vous parler, mais comme il n'est pas là, donc il peut pas vous en parler, donc il nous a laissé deux trois petites phrases à vous dire par rapport au film pour vous dire pourquoi il a aimé. Voilà, donc je lis directement de lui, c'est pas moi qui improvise ni rien, donc voilà. C'est de la citation. Voilà, c'est de la citation. Comment te dédommager de toute phrase Ah oui, non, mais... bon, on va commencer... Enfin, déjà, on va dire... Une vie entre deux océans, le premier film. Donc, c'est un film de Derek Cianfrance. Cianfrance, je sais pas. Je sais pas du tout. Moi, je l'ai pas vu et... J'ai pas... Enfin, de toute façon, on n'a pas vu les films et on... Enfin... J'ai pas vu de quoi ça parlait vraiment, donc voilà. Une vie entre deux océans, ça quand même, ça, c'est vrai que ça a l'air assez beau, mais. Ouais, ça a l'air sympa. D'ailleurs, j'ai pas j'ai vu, mis, mais il était pas de façon diffusée. Oui, oui, vraiment aussi. Derek Cianfrance. Voilà. Donc, on se demande pourquoi il a aimé. Il y a Michael Fassbender dans le film. Voilà. Il y a aussi Alicia Vikander, Rachel Weisz. Weisz, pardon. Weisz. Pourtant, ah, oui. Je suis alsacien, je devrais savoir. Ah oui, quand même. Brian Brown et Jack Thompson. Voilà. Maintenant, je vous donne son avis. Donc, titre niais, mais film bouleversant, porté par deux acteurs impeccables, BO d'Alexandre Desplat, sublime, photographie soignée. Donc, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, Alexandre Desplat, on en avait parlé dans le dernier Parlons Cinéma, qui a dû abandonner Star Wars Rogue One pour faire Valérian et Laureline et Valérian. Ouais, donc, voilà. Alors là... voilà. Bon, Michael Giacchino va rattraper le titre. Oui, ouais, ouais. Je reprends la citation. Un grand drame au scénario riche, poignant mais jamais tire-larme, le, avec une majuscule, film dramatique par excellence. Point d'exclamation. Voilà. Vous pouvez suivre ses conseils. Moi, le film. Et les conseils de Quentin aussi, parce qu'il a adoré. Hein. Oui, il a mis un 10 sur Sens Critique. Donc, voilà. Il y a Alicia Vikander, donc il n'est pas très objectif, mais, mais il a vraiment aimé aussi. Voilà. Ça, c'est pour Une vie entre deux océans. Et maintenant, on va passer à un film français, donc Tamara, d'Alexandre Castagnetti, avec Héloïse Martin, Ryan Bensetti, Sylvie Testud et Cyril Gay et voilà. Oui, bref. Ouais, voilà. Pour un casting non plus. Je crois qu'il y a Julie Depardieu si je me trompe pas. Je crois voir finalement Morgan, c'est pas Morgan E, hein, parce que pourtant il vous conseille quand même deux films bien très différents. Ouais. D'ailleurs, Tamara, je crois que c'est adapté d'une BD, si je me trompe pas. Voilà. je vais vous donner maintenant son avis sur le film. Donc, grosse surprise, conte de fées moderne traitant avec beaucoup de tendresse du complexe chez l'adolescent. Oui, chez l'adolescent. Il y croyait pas du tout. Hein. Ah oui, mais il n'y croyait pas du tout. Enfin, moi, personnellement, en voyant l'affiche, j'y crois pas du tout non plus. Ah oui, non plus, j'y crois toujours pas. Moi, mais... personnage authentique, des seconds rôles géniaux. J'en suis sorti heureux et ému. L'humour n'est jamais grossier, mise en scène bourrée d'idées intéressantes. Et la grosse torse... citation. Et le torse de Ryan Bensetti vaut le déplacement. Oh, voilà. Je suis midinette et j'assume, pardon. Voilà. Point d'exclamation, encore une fois. Voilà. Bon, donc mais maintenant, voilà, Morgane, tu vas te débrouiller de tout ça. Vous faites hein. ce que vous voulez. J'espère que ces phrases ne seront pas tirées de leur contexte. Parce que voilà. Si un jour on m'avait dit qu'on parlerait du torse de Ryan Bensetti dans ce podcast, je l'aurais pas cru. Quoi. Ouais, moi non plus. Je pense pas que. Là, j'aurais parié 100 euros, j'aurais perdu 100 euros. Hein. Ouais, c'est clair. Donc voilà. Vous avez son avis sur ces deux films, donc vous pouvez en faire ce que vous voulez. Mais ça se trouve, il en reparlera rapidement dans le prochain podcast pour peut-être rajouter quelque chose ou pas. On verra bien. Mais nous, par contre, on va passer à un film qu'on a vu tous les deux. Même on l'a vu, Morgane l'a vu aussi, mais comme il peut pas nous donner son avis. Il a beaucoup aimé. Ouais. Mais c'est dommage parce que finalement, ça aurait tranché avec nous. Oui, voilà. C'est ça le problème. En fait, le seul vrai débat qu'on va avoir, ça va être Miss Peregrine. En fait. Ouais. Bon, ce sera un gentil débat. Oui. Donc, Captain Fantastic, Morgane me l'avait conseillé durant les offs du Parlons Cinéma, du dernier Parlons Cinéma, puisque il venait de le voir, genre ce jour-là ou le jour d'avant, et il m'a dit ouais, c'est vraiment super, et moi je voyais pas mal d'avis, chefs-d'œuvre, etc. Donc, j'y allais très confiant, hein. J'étais très intrigué, j'étais très intrigué et très confiant, parce que en même temps, j'ai pas vu l'abondance, je savais pas de quoi, de quoi ça parlait vraiment. J'y suis allé comme ça, voilà. Et le film m'a plutôt déçu. Franchement, on est tous les deux du même avis. Pour le coup, oui, ça se rejoint très bien, je pense. Ouais. Rappeler qui c'est qui l'a fait. Donc c'est écrit et réalisé par Matt Ross, qui est un excellent acteur dans une d'ailleurs je vous conseille une série Silicon Valley qui est excellente. Il est dedans, il est hilarant. Mais là bon, son film on l'a pas aimé. Il y a Viggo Mortensen dans le film. entre autres, George MacKay, et après il y a beaucoup d'acteurs qui sont pas connus parce que c'est pas mal, c'est des enfants, il y a beaucoup d'acteurs enfants ou adolescents plutôt. Donc voilà, Samantha Isler, Annalise Basso. Hein. Ouais, franchement, les acteurs sont. C'est pas le problème du film. Ah non. Personnellement, c'est vraiment pas le problème du film. Donc voilà, c'est un genre de road movie, Sundancien, quoi, indépendant. Rapidement le synopsis, Ben vit avec sa femme et six enfants dans les forêts du nord-ouest pacifique, totalement isolé de la société, mais en père dévoué qui se consacre à l'enseignement académique et physique de ses enfants. Une tragédie se produit qui force la famille à quitter leur petit paradis. Les enfants doivent faire face à l'excitation et au péril d'un monde qui ne leur est pas familier, tandis que Ben est obligé de réexaminer sa conception de parent et de se lancer un nouveau défi, celui de donner à sa famille une autre éducation. Alors, sur le papier, c'est sûr que c'est très intéressant. C'est très intéressant, ça me paraît très intéressant. Mais ça l'est, hein, ça trouve son public, hein, de toute façon. Ah oui, non, mais on est des exceptions. Hein. Vraiment, j'ai pas vu beaucoup d'avis négatifs. Ah non, même sur Sens Critique, il se paye une moyenne tout à fait correcte. Oui, hein. Complètement correcte. Voilà. Alors... Pour moi, un des premiers soucis en fait du film, c'est au niveau de la réalisation. Je trouve que la caméra fait beaucoup trop. Ça contraste avec les idées qu'il veut mettre en place dans ce film. Sa caméra, elle fait beaucoup trop. C'est trop froid au niveau de sa mise en scène. C'est une genre de. On a l'impression de voir une GoPro, quoi. C'est vraiment ça, hein. C'est pas agréable à regarder en fait, on a l'impression de voir un film de famille. Man vs. Wild un peu, ouais. Ouais, mais vraiment, complètement. Et ça contraste complètement avec les idées, ouais, retour à la nature, machin, qu'il essaye de faire passer dans le film. Et pour moi, le deuxième gros souci du film, c'est que... Il y a bien un petit peu de contemplation, mais c'est léger, quoi. Ouais, voilà, c'est très léger. C'est plus de l'illustration que de la contemplation, je trouve. Mm-hmm. Oui, oui. Et pour moi, le deuxième gros souci qui rejoint un peu ça, c'est les idées qu'il essaie de faire passer, eh ben, il ne va jamais au bout. C'est ça. Il commence des trucs, il commence une phrase, et puis après, oh merde, ça me fait chier, trois petits points, et je commence une autre phrase. C'est ça. Et... C'est pas intéressant à voir. Les idées sont je pense que ça pourrait être intéressant s'il allait vraiment au fond de son idée. Mais je sais pas, au bout de la quatrième, cinquième idée qui nous balance à la tronche, je me suis dit, c'est bon, tu peux nous dire comment ça se finit, quoi. Moi, je trouve qu'on a l'impression qu'il est souvent dépassé par le sujet qu'il veut mettre en scène. Ah oui, mais complètement. Pourtant, les films américains qui parlent de ça, il y en a pas beaucoup parce que, c'est pas le premier non plus. Mais oui, c'est pas le premier, mais ça critique quand même pas mal ouvertement la société de consommation, etc. Mmh. Bon, ça on l'a vu partout. La mondialisation, tout ça. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est sûr que on verrait pas ça dans un gros film à la Fox ou à Universal, etc. Mmh. C'est quelque chose. Moi, je trouve qu'il va vraiment pas au fond de ses idées et que ça gâche tout le film. Le problème, c'est que ça demeure trop dans l'évocation plus que dans la mise en scène, quoi. Enfin, plus que dans la mise en avant de ces idées-là. Mais complètement. Donc voilà, moi je suis sorti vraiment déçu et je me suis dit mais pourquoi tout le monde m'en a parlé comme si c'était un truc exceptionnel alors que c'est tout le monde. Enfin, moi je. Bah, ça reste très plan-plan, quoi. Ouais. Je dis rapidement que Little Miss Sunshine, bon, quelques-uns le savent, mais que c'est un de mes films préférés. Je sais pas l'expliquer, c'est un film que à chaque fois que je regarde, je passe un super bon moment, ça me donne plein d'émotions, etc. Moi, j'aime bien aussi. Morgan m'a un peu averti à propos de ça parce qu'on voyait partout le prochain Little Miss Sunshine, enfin le nouveau Miss Sunshine, Little Miss Sunshine, il fait aussi bien que Little Miss Sunshine. Et Morgan m'avait prévenu, fais attention parce que c'est pas du tout comme Little Miss Sunshine, c'est vraiment à part le côté road movie qu'on a quasiment dans un tiers des films qui sortent à Sundance, c'est des road movie, c'est pas non plus très innovant là, sur ce point-là. Sundance, c'est ça. Hein, c'est les marginaux, les... Non, mais c'est moi, tout ce j'aime... qui plaît. Après, Sundance, j'ai l'impression que je suis un peu incompatible avec leur sélection, donc bon. Ouais, non. Ouais, général, enfin, moi ça, sortent, ça passe ou ça casse. Hein, pas... c'est... c'est qu'on compare... Ouais, c'est vrai que dès que c'est indépendant, on compare directement... à Little Miss Sunshine, alors que ça n'a aucun rapport, quoi. Parce que c'était le premier vraiment qui sortait de la masse, alors que pour le grand public en tout cas, parce que il y a eu pas mal d'autres films qui venaient de Sundance et qui étaient vraiment exceptionnels. Par exemple, un film qui est pas super connu en France, Clerks de Kevin Smith, qui est un de mes réalisateurs préférés. C'est un film qui a fait connaître le festival de Sundance partout aux États-Unis et il y a eu pas mal d'autres films avant Little Miss Sunshine et il y en aura d'autres après Little Miss Sunshine, quoi. Donc faut arrêter un peu, même si je l'adore ce film, faut arrêter de le voir partout, quoi. C'est ça. Je vais peut-être te laisser un peu donner ton avis sur le film. Globalement, ça rejoint assez ce que tu as dit. C'est vrai que moi je trouve qu'il y a beaucoup de potentiel dans tout ce qui est évoqué, mais malheureusement c'est jamais exploité à fond. Et après, je trouve que l'écriture est quand même très inégale. Ouais. Parce que les personnages changent d'avis rapidement. Ah oui, le fils là qui en a marre de son père. Je trouve que ça. Oui, évidemment, on sent qu'il va être amené à aller dans cette démarche là, ce personnage. Mais je trouve que c'est fait c'est fait avec des grosses ficelles, sans beaucoup de subtilité, quoi. Et du coup, je trouve que le traitement des personnages, même s'il n'est pas inintéressant, il est un peu trop inégal par rapport au sujet. Et du coup, ça rejoint vraiment la mise en place du sujet, quoi. C'est que, on évoque des trucs, mais on va pas au bout. après, c'est ce qui est d'autant plus rageant, c'est parce que les messages sont vachement bien. Ouais. Oui, oui, justement. Et après, voilà, même si le casting est bon, enfin, Viggo Mortensen est très bien, et les enfants jouent très bien aussi, bah, ça fait pas tout, quoi. Et, ouais. Après, il y a quand même, moi, deux scènes qui m'ont bien, enfin, il y a une scène qui m'a marqué parce qu'elle était assez poignante et assez belle. C'est la scène dans l'église avec Viggo. Oui, oui, complètement. Voilà. Celle-là, c'est vraiment une des scènes qui ressort pour du moi, film. Pour moi, c'est le point culminant. Du film. Et après, par contre, il y en a une que j'ai trouvé limite ridicule, quoi. C'est la scène, la déclaration d'amour, là, de son fils. Je trouve que c'est. Ah oui. Ouais. Ça montre bien qu'il est. Du coup, il a tellement été endoctriné, ce gamin, dans des trucs en marge de la société, que du coup, il est pas du tout adapté. Le problème, c'est que dans le film, on le perçoit pas comme ça. C'est la scène, enfin, limite le personnage, il est ridicule, quoi. Ouais, mais complètement. Et je pense qu'il est censé être touchant. Oui, voilà. Voilà, je pense que c'est pensé pour être touchant, mais malheureusement, il passe pour un imbécile, quoi. Ouais. Du coup, on est plus dans, c'est dommage parce qu'on arrive plus à se mettre dans la peau de la jeune fille, donc la jeune fille qui fait partie de cette société de consommation et tout. Qui du coup se fait demander en mariage que ce pauvre gars qui finalement est comme ça dans un acte un peu désespéré et tout. Moi, j'ai trouvé ça dommage. Je me suis dit, ben là, j'aurais dû te toucher et malheureusement, je ne suis pas, quoi. Oui, oui, complètement. Et quand tu t'en rends compte dans un film, c'est chiant. C'est même parce que c'est même pas en y repensant après que tu te fais la réflexion. C'est vraiment sur l'instant. Non, c'est tout de suite. Ouais, dans le cinéma, quoi. Et du coup, voilà. Donc c'est dommage. C'est un film qui aurait pu être excellent. Je trouve que le potentiel est complètement c'est pas qu'il est gâché, mais c'est qu'il est complètement survolé, en fait. Je pense qu'il aurait fallu raccourcir à certains endroits et se concentrer plus sur d'autres, et peut-être évoquer moins de choses, mais le faire mieux. Oui, il aurait pu se concentrer sur être en marge de la société, et aussi le système éducatif américain. Enfin voilà, on sent qu'il veut dire des choses là-dessus. Mais qui va vraiment pas au bout, quoi. La scène du repas aussi, la scène du repas de famille, chez l'oncle et la tante, qui est pas mal. Ouais, ouais. Après, la scène du jeu vidéo, j'ai trouvé ça super condescendant envers... Après, c'est moi, parce que j'aime beaucoup le jeu vidéo, mais je trouvais ça vraiment super condescendant, parce qu'en voyant le gamer en tant que qu'attardé... Le gamer, c'est vraiment l'image du gamer qui est... C'est le gamer qui est vraiment dans la société de consommation parce qu'il achète tous les derniers jeux à 70 euros. Ouais, il a un PC fixe à 2000 euros et quelques et tout. C'est vraiment, on peut le prendre comme ça, ouais. Ouais, complètement. Ce qui m'a gêné au bout d'un moment, moi je pouvais pas être avec le personnage principal, donc qui est Viggo Mortensen, normalement, parce que moi je trouve ce mec c'est vraiment un psychopathe, quoi. Enfin, c'est pas du tout un père idéal. Hein. Ouais, j'essaie de pas juger parce que j'aime pas juger les personnages, mais là c'est abusé. Enfin, vraiment. On a du mal à le voir comme un héros. Hein. Ouais, il donne des armes à ses gamins et après quand il s'est rendu compte qu'il a fait une erreur, et ben il va refaire encore une erreur. Il se remet pas forcément trop en question, sauf à la fin. Et du coup quand il le fait, c'est grossier, en fait. Ouais, mais complètement, sans aucun intérêt pour enfin il s'en fout de ses gamins, on a l'impression, mais vraiment, quoi. C'est même si on a l'impression qu'il les aime à certains moments, si on sent qu'il y a de l'amour quand même pour ses enfants. Oui. Il y a des moments où on a l'impression que il s'en fout complètement, quoi. C'est enfin bon, voilà, quoi. Donc c'est pas, enfin, ça nous a pas j'ai pas été convaincu du tout. Ouais, vraiment pas du tout. Et j'étais un peu déçu d'avoir dépensé un peu mon argent pour ce film, parce que, enfin, franchement, j'avais mieux à faire avec mon argent. Donc voilà, on va passer maintenant, alors si après tant pis pas, hein, on... Bah oui, trop. Le cinéma, pis, c'est pas grave. Ça, hein, c'est comme pas ça. Que des bonnes. Non, bah non. Il y a aussi des déceptions. Hein. Oui, quand même. Ouais, voilà, c'est exactement ça. On va passer à toi, qui va parler de Don't Breathe. Ça va être assez rapide. Ouais, film d'horreur, je crois. C'est plus un thriller qu'un film d'horreur pour moi. C'est un film de Fede Alvarez. Ouais. Donc Fede Alvarez, pour ceux qui ne resituent pas trop, c'est le mec qui a fait le remake de... De Evil Dead. De Evil Dead. De Evil ouais. Dead, pardon. Evil Dead, ouais, pardon. Et oui. C'est vrai que moi, je le prononce à la bonne française, hein, Evil ouais. Dead. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Et du coup, il a fait le remake que je n'ai pas vu parce que, bon, déjà, j'ai pas vu les Evil Dead, c'est pour, je pense que c'est pas trop fait pour moi. Ouais, je pense pas que ça. Voilà. Et, ouais. Et du coup, j'ai pas vu le remake parce qu'il paraît que le remake est encore plus sanglant que les j'ai anciens. J'ai pas vu le remake, parce que j'aime beaucoup les premiers films et que j'avais l'impression que pourtant, ça. Pourtant, il y a des adorateurs du premier qui adorent le remake. Hein. Ouais, je sais pas, j'ai jamais tenté vraiment, donc voilà. Ouais, bah, je l'ai pas vu, donc je connais pas du tout ce réal. Qui a été annoncé d'ailleurs récemment pour prendre la suite de Millennium version américaine. Ouais, ouais. Voilà. Voilà. Et du coup, là pour le coup, j'ai bien aimé Don't Breathe. Mm-hmm. Donc c'est vendu comme un thriller horrifique. Alors oui, il y a un peu d'horreur, mais c'est pas de la torture ou du. C'est pas quelque chose de. Comment dire. De. Ah, j'arrive pas à... C'est pas. Y a pas de. C'est pas un torture porn, c'est. Voilà, c'est pas un torture porn, c'est ce que je veux dire. Ouais. Et. Mais en fait, c'est beaucoup plus un film d'ambiance et un. Et du coup, ça verse beaucoup plus dans le thriller que dans l'horreur simple, en fait. Ouais, je vois, ouais. C'est pas un tueur qui va. Enfin, ils vont pas tous se faire tuer un par un parce que c'est un film d'horreur et ils doivent tous mourir. C'est. Y a une démarche derrière. J'ai trouvé ça très intéressant. Donc, l'histoire, en gros, c'est trois amis qui galèrent un peu dans la vie, voire même beaucoup pour certains, et du coup ils cambriolent des maisons de bourges. D'accord. Et un jour ils vont aller faire un casse chez un ancien vétéran de la guerre du Golfe, je crois, ouais. Enfin d'une certaine guerre américaine, une guerre importante des États-Unis. Et en fait ce mec, bah, pour eux c'est du tout cuit parce qu'il est, à l'armée il a perdu la vue. Donc du coup ils se disent bon ben voilà quoi, ça va, enfin, on va y aller la nuit, il va rien nous arriver parce que de toute façon il voit rien, donc on est tranquille quoi. Ouais. Et alors aucun message tendancieux sur les aveugles ou quoi que ce soit dans le film, hein, faut pas chercher, y a rien de tout ça et c'est très bien. Et du coup bah il va se révéler que ce mec il est plein de ressources. Donc il a peut-être perdu la vue mais n'empêche pas que c'est un ancien militaire et du coup si tu t'introduis chez lui, ça se passe pas trop comme prévu, et tout le film part de là, quoi. Et en fait, c'est un huis clos qui se passe dans la maison de cet homme-là. Et le film fonctionne très bien parce que ça joue beaucoup sur l'ambiance. C'est souvent très angoissant et y a bien une ou deux scènes un peu crades, mais pas crades dans le sort où c'est des grosses effusions de sang, c'est que c'est pas propre quoi, c'est repoussant quoi, c'est répugnant, mais c'est deux scènes quoi, et du coup le film fonctionne beaucoup plus sur le fait que nous spectateurs on se met à la place finalement des cambrioleurs. Ouais, d'accord. Parce que la personne qui vient de cambrioler est quand même très très c'est lui le psychopathe du film quoi. Oui, oui. Donc du coup voilà, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que les acteurs étaient très bons. Surtout l'acteur qui joue le militaire, j'ai oublié le nom mais c'est celui qui fait Stephen le rôle. Lang. Voilà, et les gens vont le remettre tout de suite si je dis que c'est lui comment dans il s'appelle. Ouais, je sais plus comment il s'appelle. Mais le chef de la sécurité dans Avatar, Ouais, non mais j'ai plus le nom. Voilà, dans Avatar c'est le grand méchant du film quoi, dans Avatar. Ouais, voilà. Et du coup alors lui est vraiment très très bon, il inspire vraiment toute la terreur qu'il doit inspirer. Quaritch dans Avatar, c'est ça. Okay, le colonel Quaritch. Okay. Et du coup alors là il est dans un registre complètement différent. Et au départ, on va se dire, ouais, c'est un personnage qui est vulnérable et tout, et en fait, il va se révéler beaucoup plus inquiétant que prévu. Donc voilà, moi j'ai été très surpris, mais dans le bon sens, c'est pas le film de l'année, hein, c'est pas exceptionnel. Franchement, en voyant l'affiche, moi je te dis, ça me fait penser à tous les films d'horreur qui sont sortis il y a C'est ça. ces 10 dernières années. Hein. Ouais, et pourtant, enfin voilà, c'est assez fort dans ce que c'est assez fort dans la manière de faire quoi. Il y a une mise en place de l'ambiance qui est très habile, je trouve. Et le film tient beaucoup là-dessus. Moi, j'ai été agréablement surpris. D'accord, J'ai pas été aussi ouais, que It Follows, par ouais, exemple. ouais, It j'allais te Follows, demander si c'est par c'est rapport à ça. It Bah, It Follows. Follows m'avait fait peur. Ben ouais. Chose que Don't Breathe n'a pas fait, mais en même temps, Don't Breathe ne cherche pas forcément à te faire peur. Il cherche à t'angoisser, quoi. Et c'est Oui. vraiment, et c'est, il y a une bonne gestion du huis clos, tout ça. Donc franchement, c'est un film qui est bien pensé, qui est pas trop mal écrit. Enfin, l'écriture est simple, mais c'est vraiment efficace. Visuellement, ça va aussi. L'ambiance glauque fonctionne bien. La photographie est vraiment belle. Voilà. Donc il y a plein de bonnes choses. Il y a des scènes où il y a vraiment une tension qui fonctionne. Moi, je le conseille. Il est encore diffusé, donc si il y en a Ok. peut-être beaucoup qui l'ont vu pour Halloween, ils ont bien fait. Voilà. Moi, j'ai été très, Ouais. j'ai été très surpris et je m'attendais pas du tout à ça. Donc c'est bien. C'est bien d'avoir des surprises comme D'accord. ça Bah aussi. oui, c'est cool, hein, parce Surtout que, sur des enfin. films d'horreur, parce que, enfin, Ouais. dernièrement, moi, enfin, c'est vrai que À part It Follows qui a, c'est enfin, qui est ça. C'est vraiment un vraiment un joyau dans cinéma, tous les. ah bah Tout le ouais. reste. C'est vraiment un cinéma avec lequel j'ai du mal dernièrement, enfin, Enfin. depuis quasiment, ouais, depuis presque 10 ans, quoi. Je trouve que Et tous si les films Morgan qui était là, il sortent, nous dirait Unfriended, mais bon, voilà quoi. ouais, c'est, On va pas le ouais. prendre au sérieux pour Mais voilà, je trouve que tous Unfriended, les films d'horreur se ressemblent. Alors oui, c'est clair, Unfriended, ça ressemblait pas aux autres, mais en même temps, c'est complètement raté. Donc, mais bon, je veux dire Oui, bah. les Paranormal Activity et tout ça. Voilà, là, on a un truc qui est plus dans le thriller, mais peut-être que c'est ça finalement. Peut-être que les films d'horreur doivent s'orienter vers ce genre de choses-là, quoi. Non Moi mais qui j'ai pas complètement. vu Saw, mais je pense que c'est plus proche d'un Saw Ouais. que des films d'horreur que des autres quoi. Voilà, D'accord, ouais. les derniers qui m'ont marqué, moi c'est vrai que c'est Ben. It Follows et les Conjuring, mais c'est tout. Ouais, non, Saw c'est quand même plus torture porn, hein, donc je sais pas Ouais, s'il n'y a je pas pense que vraiment d'effusion, enfin c'est plus d'effusion de sanglant, mais sang. bah non, mais là on Ouais. se dit si il y a du sang bien sûr, mais c'est Ouais. pas Oui, mais c'est pas non plus on le voit pas produit tuer les gens explicite. pour le plaisir des spectateurs, pour voir des personnages démembrés ou tout ça, c'est pas dans ce but-là. C'est pas D'accord, le ok. c'est pas la fonction première la fonction première du film, c'est pas de te donner du gore. Ce qui est Ouais. assez paradoxal parce qu'apparemment c'était vraiment ça dans le remake d'Evil Dead. Donc Ouais, du coup complètement. voilà, mais Ce que moi j'ai entendu. j'ai été très surpris, pourtant j'y croyais pas trop. Je me suis dit Fede Alvarez, j'ai peur que ça passe pas trop chez moi, et en fait non. Donc Ok. Ok, voilà, moi bah je le très bien. conseille. Ouais. Ouais, bah rapidement, enfin, bon, pas rapidement, enfin, on va essayer de faire rapidement. Je voulais juste rajouter quelque chose parce qu'on a tous les deux vu le film et je voulais juste en parler, juste pour le dire encore une fois. Mais donc, on a tous les deux vu Shining à peu près au même moment. Et juste pour vous dire que c'est un des meilleurs, enfin, c'est le meilleur film d'horreur de tous les temps Moi je et pense aussi, ouais, sérieusement. il faut le regarder absolument. Parce que c'est vraiment exceptionnel. Et si un jour on a l'occasion de faire une émission ou 4-5 émissions sur Stanley Kubrick, parce qu'il Ouais. vaudrait vraiment le coup de faire plusieurs émissions sur Stanley Kubrick, on en parlera plus en détail. Mais en tout cas, voilà. Juste, si vous n'avez pas vu encore Shining, arrêtez cette émission Moi je l'ai revu pour et Halloween, ouais. regardez-le. Ouais, non, mais Ouais. Et vraiment, c'est. d'ailleurs, Ah. l'Overlook Hotel, donc qui est un vrai Oui, hôtel, ouais. hein, l'hôtel du film, enfin, le décor qu'on voit dans le film, c'est un Ouais. vrai hôtel. Ils vont proposer une rétrospective de films d'horreur. Donc Ouais, si vous êtes aux États-Unis, que vous nous si j'étais. écoutez, vous Voilà, avez c'est ça. peut-être la possibilité d'aller voir Shining dans le vrai Directement dans hôtel l'hôtel. du Alors là, film. c'est Et là, je vraiment. pense que c'est le Bah, truc c'est le trip suprême, quoi. ultime, quoi. Ah Ouais, ouais, c'est. là, c'est. Exact, ouais. Allez pas dans Donc. la chambre 237, par contre, évitez. Ouais, voilà. 220, Voilà. 200, je sais plus quel, j'ai plus de chiffres en Non, c'est tête, mais 237. c'est 237, c'est Ouais, ça? c'est ça. Donc voilà, non, c'est juste rapidement pour dire, parce que sinon, si on commence sur Shining, on n'aura pas fini, Oui, donc c'est ça. voilà. On arrête tout de suite. Voilà. On passe tout de suite au film du mois, qui est Miss Peregrine. Next door, I'm the fox, you've been waiting for. On est donc au film du mois. On va parler ce mois-ci de Miss Peregrine et les enfants particuliers, le nouveau film de Tim Burton qui est sorti aux États-Unis le 30 septembre 2016 et en France le 5 octobre 2016. Donc ça fait un mois exactement, quasiment un mois qui est sorti. Donc voilà. En même temps que Don't Breathe. Oui, en plus. Au niveau de la distribution, on retrouve Asa Butterfield, Eva Green, Ella Purnell, Samuel L. Jackson, Terrence Stamp, Chris O'Dowd, Judi Dench. Et après, c'est beaucoup des acteurs enfants, encore une fois, qui sont pas très connus. Il y a un gros casting quand même. Il y a quand même un casting assez impressionnant. Donc voilà. Le film fait débat. on n'est pas vraiment d'accord, Eddie et moi-même, mais on va en parler. Voilà. On n'est pas d'accord du tout, si tu veux. Moi, je trouve des qualités quand même. Hein, c'est pas... Oui. Je trouve des qualités, mais je trouve aussi des défauts. Voilà. Comme tu aimes plus le film que moi, je pense que tu devrais le présenter et donner. Moi je pensais que j'aurais dû en parler en dernier histoire de finir sur une bonne note, mais bon. Si tu veux que je le présente, je peux. Je veux bien. Ouais. Donc on retrouve Tim Burton quasiment un an après Big Eyes. Exactement. Je crois. Hein. Big Eyes c'était 2014 c'était... ou 2015 je sais pas. C'était mai 2015. Avril ou mars 2015, je crois, quelque chose comme ça. Ouais. Mars 2015, oui, non, c'est ça, un an, un peu plus d'un an après Big Eyes. C'est ça, ouais. Du coup, moi, je l'attendais beaucoup, Miss Peregrine. J'avais pas moi lu aussi, le roman. Je tiens à le dire. Et Axel aussi l'attendait beaucoup. J'avais pas lu le roman quand j'ai été le voir. J'ai commencé à lire le roman après avoir vu le film. Je peux pas dire si je préfère le roman ou le film, si j'ai pas fini de lire le roman. Le roman est très bien, en tout cas. Et c'est un très joli roman en plus parce qu'il y a des photos, c'est assez particulier, c'est que la narration est accompagnée de photos descriptives. Des photos issues de... Un peu comme dans le film à la fin, je crois. Oui, voilà. Ou alors le générique. Et le générique, je sais plus si c'est générique. Ouais. En fait, Ransom Riggs, il a fait des croquis qu'il met dans le roman, et il me semble qu'il a dû participer au générique aussi. D'accord. Et du coup, c'est vrai que ça peut, c'est intéressant dans la lecture finalement. Il décrit, mais en même temps, à côté, il propose l'image. Donc voilà. Le roman se lit très bien. J'en suis un tout petit peu plus de la moitié du premier tome. Ouais. Il y en a combien ? Il y en a trois. Ok. Ouais, et les trois sont dans le film. Enfin, il a adapté les trois. Non ? C'est juste le premier alors ? Ah oui, apparemment, c'est que le D'accord, premier. D'accord, ok. Ok. Et du coup, oui. Apparemment, je n'ai pas trop entendu parler j'ai juste entendu dire, enfin, j'avais vu dans une interview qu'on posait la question à Tim Burton s'il voulait réaliser les deux autres ou pas, et que pour le moment, lui, c'était pas un projet, mais que... Ouais. Donc du coup, a priori, il n'a pas adapté les trois en un seul tome, enfin, je pense. Mm-hmm. Ouais, je non, sais non, qu'il y a non, eu des échanges au niveau des personnages, il y a deux personnages qui sont inversés, mais c'est tout. D'accord, ok. Voilà, normalement, c'est Emma qui contrôle le feu dans le roman, et c'est Olive qui est légère, plus légère que l'air. D'accord. Ouais. Burton, il a fait l'inverse dans le film. Ouais. Parce que c'est lui, au niveau de la poésie, il trouvait que ça fonctionnait mieux comme ça. Mais après, ça change pas grand chose au déroulement du film. Il y a beaucoup de gens qui s'insurgent là-dessus. Mais, enfin, j'ai lu le roman, franchement, je vois pas le. J'ai vu le film avant et ça m'interpelle pas plus que ça, que là, ça soit Emma qui contrôle le feu et tout ça. Donc, on retrouve Tim Burton. Alors, beaucoup attendaient ce film parce que les bandes annonces étaient encourageantes. Il y en a beaucoup qui disaient ça y est, il va enfin sortir de son errance et tout ça. Moi, je suis pas d'accord avec ces gens-là parce que pour moi, il est jamais vraiment parti. Il a fait des choses moins bien et il a fait 9 films depuis 15 ans. Ouais. Depuis la planète. Non, la planète des singes, c'est 2001. Depuis... Ouais. Donc, Big Eyes. Pas Big Eyes, Big Fish. Ouais, voilà. 2003. Et moi, j'estime que sur 9 films, il n'y en a que 2 qui sont plus faibles que les autres. donc ça va. Ouais. Ah ouais, d'accord. Pour moi, c'est vraiment Sweeney Todd et Alice au Pays des Merveilles qui sont vraiment très en dessous. Ouais. Alors Alice, bien loin derrière Sweeney Todd. Hein. Ouais. Sweeney Todd est moins bien, mais c'est pas non plus le pire. Mais moi après, voilà, tout ce qui était Big Fish, Charlie et la Chocolaterie, Les Noces Funèbres, Dark Shadows, qui était un peu moins bien, mais c'était sympa. Frankenweenie et Big Eyes, moi j'ai bien aimé. Enfin, ouais. Je trouvais ça intéressant. Charlie et la Chocolaterie, qui est pas considéré comme un bon Burton. Moi, je suis pas du tout d'accord. Je trouve que c'est un film très, enfin, c'est beaucoup plus sombre que ce que ça veut bien paraître. Enfin, le personnage de Willy Wonka, il est quand même très très particulier. Moi, je le vois. Et Morgan, on est du même avis là-dessus, de toute façon. Enfin, pour moi, c'est carrément une métaphore de la pédophilie, Willy Wonka. Donc. D'accord, ok. Ce que Tim Burton en fait. T'as vu le premier? L'original? Ouais, l'original. Non, j'ai pas vu, non. Ah, ouais, d'accord. Mais ça a l'air hyper kitsch, en fait, ça m'a toujours un peu... Ah oui, non, mais... Enfin, moi, j'adore le premier, mais... Enfin, après, Charlie la Chocolaterie, celui de Burton, je l'ai vu avant le premier, mais ça fait très longtemps, et je sais que j'avais trouvé ça... Enfin, j'avais pas du tout aimé. Hein, ouais, ça fait longtemps. Moi, j'avais adoré le roman que j'avais lu. Charlie la Chocolaterie, bah oui. Et j'avais vraiment retrouvé... Bah, le roman, l'ambiance, quoi, que j'avais lu. Mmh. Ouais. Donc, moi, ça m'avait bien convaincu. Et du coup, là, avec Miss Peregrine, je me disais que bon, il allait revenir à quelque chose peut-être de plus consensuel, parce que il a souhaité l'adapter quand il a lu le roman de Ransom Riggs. Mmh. Les trois romans, il a lu les trois. Ouais. Et du coup, je me disais, voilà, ça y est, après Big Eyes, qui était quand même une commande au départ, il retourne vers quelque chose qu'il a envie de faire. Mmh. Et déjà, ça change beaucoup de choses, ça, au niveau d'un film. Donc voilà, donc Miss Peregrine avec Eva Green en tête d'affiche. Ouais. Finalement, tu présentes, mais pas aussi présente. Ouais, vite fait. Voilà, elle est importante dans le film, mais autant que dans le roman, en fait. D'accord, ouais. Voilà. C'est vraiment parce que c'est surtout parce que, enfin. Le film et le roman portent son nom, le premier tome en tout cas du roman, parce que ça se passe dans le manoir de Miss Peregrine. Voilà. Oui. Mais sinon, après, le personnage en lui-même est présent, mais c'est pas le personnage principal. Pour moi, le personnage principal, c'est Jacob, c'est Asa Butterfield en film. Oui, oui, complètement. Voilà. Enfin, avec Emma, ouais, en tout cas. Ouais. Même si Emma, c'est un peu une sidekick plutôt que le personnage c'est principal. C'est une... Une sidekick, enfin oui. Un personnage à côté. Mmh. Quoi. Enfin... Donc du coup, donc Miss Peregrine, les enfants particuliers, donc, c'est l'histoire de Jacob, un ado de 16 ans, qui a toujours été bercé depuis son enfance par les histoires de son grand-père, qui lui racontait que quand il était plus petit, il a fui la Pologne. Alors dans le roman, c'est comme ça, il me semble qu'il dit ça aussi dans le film, je ne me rappelle plus. Ouais, non, au début il dit pas la Pologne, hein, enfin il dit les méchants, etc. Il a fui son pays pour fuir les monstres, quoi. Donc là, ouais, il y a une grosse figure du nazisme, hein, de toute façon. C'est encore plus évoqué dans le roman, il s'attarde beaucoup plus là-dessus dans le roman. D'accord, ouais. Et du coup, il s'est retrouvé il a été sur une île. Il a été sur une île du Pays de Galles, dans un foyer pour enfants, et il se trouve que ces enfants-là étaient particuliers. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant la Seconde Guerre mondiale, les enfants étaient souvent envoyés dans les campagnes, dans des endroits isolés, donc le film raconte pas trop de bêtises là-dessus. Justement, je prends juste une parenthèse, genre dans Narnia, par exemple, c'est oui, complètement voilà, si on envoie les enfants... Ouais. Ah bah oui, les quatre enfants s'en vont chez un professeur qui habite à la campagne, ouais, qui peut les accueillir. Bah là, c'est un peu la même chose, hein. Donc le grand-père de Jacob s'est retrouvé dans ce foyer avec ses enfants, donc dans les années 40, donc c'est la Seconde Guerre mondiale. Oh, ouais, c'est ça, ouais. Du coup, il raconte ses histoires à Jacob, sauf que ses enfants, ils ont des particularités. Il y en a un qui est invisible, il y en a une qui est plus légère que l'air, il y en a une qui maîtrise le feu, il y en a une qui a une super force, l'autre qui a des abeilles dans son estomac. Donc, c'est des enfants qui sont très, qui ont des particularités. Et Miss Peregrine, du coup, qui est la directrice de cet orphelinat, elle aussi, elle a une particularité. c'est une ombre brune, et elle est censée protéger ses enfants de certains méchants. Voilà, ouais. Pour pas, voilà. On spoilera après parce que voilà. Moi j'ai besoin de spoiler pour parler de ce qui m'a pas plu en fait. Voilà. Mais bon, vu comment le film marche, on part du principe que vous l'avez déjà vu. Ouais. Ce qui marche plutôt bien. Et du coup, bon, Jacob, quand il est petit, il a toujours pris ça pour des histoires. C'était des contes quoi, que son grand-père lui racontait. Il n'a jamais trop cru, sauf qu'un soir, il va retrouver son grand-père mort. Tout le monde pensait que son grand-père commençait à perdre la tête parce qu'il parlait beaucoup que les monstres et ça était à sa poursuite et tout, sauf que Jacob va finir par le retrouver mort et c'est là qu'il va commencer à se poser des questions et il en voit un monstre et il en voit un, lui, ouais. Mais il n'y a que lui qui le voit et ça on ne le sait pas tout de suite et du coup il va partir sur les traces de son grand-père, donc sur cette île du Pays de Galles, et il va rencontrer la fameuse Miss Peregrine. Et les enfants en particulier. Mmh. Voilà. Voilà. Le roman est très. Moi, pour le moment, je trouve que le roman est très bien. Il y a beaucoup plus d'émotions que dans le film, par contre. Ouais. Le rapport au grand-père et tout ça, la transmission aussi. Et du coup. Parce que c'est vraiment bâclé. Hein. Enfin. Dans le film, il aborde moins, ouais. Mais il se concentre moins dessus, mais après, c'est pour faire d'autres choses. Donc. Oui, ouais. Donc voilà, donc je te laisse en parler. Ok, d'accord. je vais commencer avec les points positifs quand même. Il y en a. C'est pas un film qui est complètement nul. J'ai jamais dit ça. J'ai des soucis avec. J'en parlerai plus tard. Donc pour moi, le premier truc qui m'a vraiment sauté aux yeux, c'est au niveau des effets spéciaux qu'il utilise. Que ce soit au niveau de la stop motion à certains moments, c'est vraiment agréable de voir de la stop motion dans un film en 2016. Surtout que c'est maintenant on arrive à des techniques qui sont vraiment c'est vraiment très bien fait. Et aussi les CGI qui sont vraiment très très bien, j'ai aucun reproche à faire là-dessus. On a pas beaucoup, mais du coup elle passe vraiment bien. Voilà. Après, au niveau de la réalisation qui est vraiment c'est du Burton quoi, c'est sympa, c'est carré, c'est parfois un peu trop carré, un peu trop froid je trouve, mais à certains moments j'ai trouvé ça un peu froid, pas trop dans le manoir mais autour. Quand il est chez ses parents, quand il est en Irlande, c'est pas en Irlande, je sais plus si c'est en Irlande ou en Pays de Galles, oui, pardon. Lui, il habite, enfin ses parents sont en Floride. Oui, voilà. C'est des Américains. Chris O'Dowd qui se fait passer pour un Américain, bravo. c'est un acteur irlandais. On passera. Au niveau de la réalisation, moi j'ai pas trop de soucis, c'est plutôt agréable, c'est agréablement filmé, enfin c'est agréable à voir. Au niveau de l'histoire aussi, pendant une heure, moi j'ai trouvé ça sympa à suivre, hein, franchement, je me suis dit ouais, c'est un film sympa. J'ai apprécié le fait que ça prenne le temps de se mettre en place. Franchement, pendant une c'est heure. C'est pas expéditif. C'est bien. Ouais, c'est vraiment pas expéditif. On découvre un peu le monde, etc. On voit quand il arrive dans le manoir de Miss Peregrine, etc. On a le temps d'exposer un peu les spécificités de chaque enfant, un peu leur caractère, là-dessus, il y a vraiment pas de souci. Il prend le temps d'exposer bien tout ce qu'il veut. Au niveau des acteurs, c'est là où j'ai un peu plus de soucis. Eva Green, je suis fan t'as ça dépend. J'ai du mal avec son jeu. Donc c'est quelque chose. Elle grossit le trait, elle force le truc. Hein. Elle s'amuse clairement. Ouais, mais complètement. Et moi, j'ai un peu de mal quand elle fait ça. Mais après, c'est complètement personnel. Donc voilà, c'est pas un souci. Après, Asa Butterfield, j'ai trouvé un peu plat quoi. Il n'arrivait pas à comment dire à donner des émotions, enfin voilà. Il n'arrivait pas à me convaincre qu'il venait de perdre son grand-père, qui devait aller en Irlande, au Pays de Galles, pardon. Je sais pas pourquoi l'Irlande, c'est parce que c'est Chris O'Dowd, il est irlandais, c'est pour ça. voilà. Bon, après, j'ai vu le film en VF, je préviens, donc il y a peut-être de la... Quoi. Ouais, il y a, c'est peut-être de la VF, c'est peut-être des problèmes de la VF. C'est même pas Eva Green qui se double, donc. Ah oui, en plus. Donc, voilà. Après, au niveau des autres enfants, celle qui joue Emma, j'ai oublié son nom. Ella Purnell. Ouais. Non, franchement, une très bonne actrice. Ella Purnell, c'est celle qui joue Maléfique ado dans Disney. Oui. Ouais, exactement. Je l'avais pas reconnue. Hein, Oui, mais enfin, j'avais vu ça après, dans sa bio, après quand j'avais vu le film, parce que je me suis dit, mais je l'avais vu autre part, je sais plus maintenant où je l'avais vu autre part, mais bon, c'est une très bonne actrice, il y a pas de souci. Les autres enfants, c'est, il y a du bon comme du moins bon. Je trouve que celui qui fait les marionnettes là. Il est vraiment trop exagéré. Oui, j'aime pas. Je trouve que c'est vraiment très. Alors qu'Olive est très bien, je trouve. Oui. Olive est très très bien. Et alors que lui, je sais pas, il exagère vraiment à fond dans son jeu. C'est vraiment. Enfin, sur ce côté-là, j'ai pas aimé. Burton, il a une direction d'acteur assez particulière. Hein. Ouais. Non, mais voilà, ça passe ou ça casse. Là, pour moi, c'est pas passé. Après, moi, celui qui m'a le plus plu dans le film est celui que tout le monde déteste, j'ai l'impression, parce que j'ai lu pas mal de trucs où, enfin, pas mal de critiques où ils disaient il surjoue trop, c'est horrible. Mais non, il s'amuse et puis il faut que ça soit loufoque, c'est du Burton aussi. Voilà. Hein. Ouais, c'est un peu du Beetlejuice, Samuel L. Jackson, qui en fait vraiment des tonnes, mais vraiment, c'est dans le bon sens du terme cette fois-ci. Il s'éclate à combattre des enfants, etc. Enfin, on le voit qu'il s'amuse, donc ça, c'est vraiment cool de le voir dans ce genre de rôle. Donc, surtout après un Hateful Eight où il était très sérieux, très badass, etc. Là, il est très loufoque. On donc, retrouve un peu le Samuel L. Jackson, mais. Aussi barjo que qu'il y avait dans le truc que Morgan et Quentin adorent, j'ai perdu le nom là. Alors attends, Samuel Jackson. Mais si, il a un cheveu sur la langue en plus. Kingsman. Kingsman, voilà, ouais, c'est ça. Voilà. Donc oui, exactement. Un peu dans ce genre de personnage-là, quoi. Ouais, les méchants un peu loufoques. Encore plus grand guignolesque, hein, j'ai envie de dire. Oui. Complètement. Avec ses cheveux en l'air, etc. Ses yeux... Ah, il a un look c'est vraiment exceptionnel. Faut voir le film juste pour lui. donc voilà. Moi j'aime bien ça quand tu sens qu'un acteur prend du plaisir à. Ah jouer. Oui, mais c'est pour ça que je suis pas sorti complètement déçu. L. Jackson en plus, je trouve que c'est assez communicatif. Ouais. Quand il est content de faire un truc, c'est un peu comme le rire d'Omar Sy, si tu veux. c'est très communicatif. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est ce qui m'a fait sortir en n'étant pas complètement déçu du cinéma parce que. Pour recontextualiser, c'était quand même un film que j'attendais énormément. La bande-annonce était super jolie. Hein. La bande-annonce, on en avait parlé pas mal pendant les derniers, pendant les Parlons Cinéma, et j'en attendais beaucoup, peut-être trop. Je sais pas. Mais j'ai l'impression que c'est en ce moment, j'attends trop des films. c'est t'as fait la même chose pour Kubo. Ouais. Mais ouais, c'est horrible parce que j'ai l'impression de passer à côté des films parce que j'en attends trop. Mais après, bon, voilà, c'est comme ça. Ce que je voulais dire, c'est que j'attendais beaucoup parce que l'histoire avait l'air très intéressante, etc. Bon, après, je reviendrai dans la partie spoil de ce qui me dérange au niveau de l'histoire plus. Donc, j'étais quand même assez déçu en voyant le film, même si j'étais pas complètement déçu en voyant Samuel Jackson. La première heure qui était vraiment sympathique, la musique, il y a 2-3 thèmes qui sont sympas. Bon, après, c'est pas. Ouais, elle est moins marquante, mais c'est pas Danny Elfman. Franchement, je sais même plus qui c'est. C'est un duo de compositeurs. C'est un duo de compositeurs. J'ai plus leur nom, mais c'est Mike. Qui sont deux. Mike Iam et pas Iam comme le groupe Iam hein. et Matthew Margeson pardon. Personne ne danse le Mia. Non. Non non. à part Sam Jackson. oui. Donc voilà. Pour dire quelque chose, enfin pour dire dans la partie non spoil, j'ai pas complètement détesté le film, j'ai pas non plus adoré le film. J'ai trouvé que en y repensant en fait, et je me suis refait cette remarque en pensant au film que j'avais vu l'année dernière. C'était Crimson Peak, on en parlait l'année dernière. Mmh. Et pour moi le film, alors Je me suis réécouté dans le podcast qu'on avait fait sur Crimson Peak. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Parce que je l'ai revu depuis, et je disais que ça me marquait pas trop. Et je l'ai revu depuis, et ça m'a vraiment. Enfin, le film m'a vraiment marqué. Ah bon? J'ai vraiment trouvé génial. Enfin, je l'ai trouvé génial par rapport à ce que. Enfin, quand je l'avais vu au ciné, je l'avais trouvé sympathique, mais qui m'avait pas beaucoup marqué. Mais là, vraiment au niveau de l'ambiance, au niveau des scènes, tout ça, du macabre, etc. Je trouvais que c'était vraiment tellement pas parfait, mais c'était vraiment très très bien fait. Et voilà, donc pour moi, même, je sais que ça va te faire mal que je dise ça, mais je préfère Guillermo del Toro à Tim Burton, et je trouve que sur certains points, il l'a un peu dépassé. Voilà, mais après moi je trouve qu'ils sont pas dans la même démarche ils sont pas dans la même démarche, mais au niveau du fantastique bon c'est quand même plus gore chez Guillermo, mais oui mais même je trouve même au niveau du fantastique Burton c'est ils ont pas la même vision des choses, ils sont pas ouais. Ils ont tous les deux des univers très marqués. Mais... Non, mais je dénigre pas Burton. En plus ce que je voulais dire en c'est fait que c'est que je ça m'était jamais venu à l'esprit de les comparer en fait. Ah d'accord, ouais, non mais en fait c'était juste comme ça, enfin c'est une comparaison que je me suis fait moi-même dans ma tête, hein. Je pense que personne d'autre l'a fait, ou peut-être 2-3 personnes, mais je repensais juste au film que j'avais vu l'année dernière, c'était un film un peu fantastique, pas dans le même contexte, mais voilà quoi, j'ai préféré Crimson Peak à celui-là, comme je l'ai dit, je dirais dans la partie spoil pourquoi j'ai pas, enfin les trucs qui m'ont vraiment dérangé dans Miss Peregrine. Voilà. tu vas pouvoir dire ce que tu voulais dire. Enfin, tout bien que je pense dessus. Tout, tout bien que tu penses dessus. Voilà. Bah moi j'ai beaucoup de choses à dire en plus. Oui mais vas-y, je t'en prie. C'est vraiment. Moi j'ai vraiment aimé. Je l'attendais beaucoup. Mm-hmm. J'ai vraiment aimé parce que je trouve que Burton revient un peu à tout ce qui faisait le charme de son cinéma en fait. Ouais. C'est un univers très marqué, c'est des personnages aussi, et on sent qu'il les aime, ces personnages-là. Mmh. Il aime les freaks, Tim Burton. Ça, c'est ah oui, ça je pense qu'on ça, peut c'est le dire. C'est en plus, un de ses films préférés, c'est Freaks de Todd Browning. Voilà, La Monstrueuse Parade. Ouais, La Monstrueuse Parade en français. Ouais. Et oui, mais c'est juste sous-titré, hein, le vrai titre, c'est Freaks. Mais, oui. Mais du coup, moi déjà, rien que ça, c'est vrai que après moi je suis très plus attaché à Burton que moi hein. Voilà il y a ça et... ouais. Mais ouais puis après je sais pas peut-être que c'est un réalisateur qui a su me toucher à un moment où oui mais non mais où c'était particulier et tout mais déjà les personnages qu'il me présente ici me touchent de base ouais sans le traitement qu'il leur accorde derrière Je trouve qu'on est dans une époque où tout le monde se juge, où tout le monde s'enferme dans des, où tout le monde cherche à enfermer tout le monde dans des cases, oui, ouais. Où les ados sont, les ados, les enfants sont très méchants entre eux, se jugent énormément. Et je trouve que, enfin, lui, il arrive en présentant un film qu'il aurait adressé, et le message qu'il leur dit, c'est quand même de comprenez avant de juger. Et déjà moi rien que ça en fait cette intention là moi ça me touche énormément parce que je trouve que adressé à des ados et c'est un beau message quoi, c'est très louable en fait. Oui, là j'ai rien à dire là-dessus hein, donc à partir de ce constat là c'est vrai que derrière j'ai du mal à ne pas apprécier et au-delà de ça, alors au-delà du postulat du film et des messages, moi, j'aime toujours cette manière qu'il a de sublimer le bizarre. tout en nous rappelant qu'en fait c'est bizarre parce que ça rentre pas dans les codes de notre société, mais finalement c'est presque naturel, quoi. Le bizarre n'est pas si bizarre que ça, c'est juste que c'est des choses auxquelles on n'est pas habitué. Moi j'aime beaucoup cette manière de dénoncer ça. Parce que Tim Burton, faut pas oublier que quand il a fait Frankenweenie chez Disney, son court métrage, après voilà, il s'en est pris plein la tronche. Il était relégué dans un fond de bureau à faire ses petits dessins et c'était le la sociale, quoi. C'était celui que avec qui on n'a pas envie de parler. Enfin, il n'était pas dans la magie joyeuse et tout de Disney, quoi. Quand il dessinait ses personnages pour l'étrange Noël de Monsieur Jack. Enfin, ça n'a pas été une période très facile. C'est pour ça que Monsieur Jack est finalement si réussi aussi. Ouais. Parce qu'il y a toute la mélancolie de Monsieur Jack, c'est parce qu'il l'a vécu lui, hein. Oui, complètement. Et après, il n'a pas réalisé le film, mais tout vient de lui. Donc, c'est pas de lui. Tout vient de lui, sauf la réalisation. Ouais. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire sur Monsieur Jack, c'est tout. Et du coup, voilà, moi déjà, il y a ces deux choses-là qui me touchent dans son cinéma, et je trouve que ici, c'est une manière encore à lui de le montrer. Et je suis assez content de moi parce que j'avais évoqué ça que Tim Burton, c'est pas qu'il s'était perdu, mais peut-être qu'il était en train de muer vers quelque chose d'autre. Enfin, peut-être que son cinéma évoluait vers une autre manière de faire. Et j'ai vraiment l'impression que c'est ça, en fait, c'est que... On le voyait dans Big Eyes, hein. Ouais, complètement. Qui était pourtant un film de commande, on aurait pu dire, s'il voulait pas être très inspiré et tout, et finalement, ça l'était. Ouais. Mais pour moi, on retrouvera plus le Burton qui met des barrioles partout, et qui met des morts-vivants drôles et tout ça. Je pense que lui-même, il a fait finalement... le deuil de toute son époque créative des années 90, et que maintenant il a son univers à lui qu'il essaie de présenter de manière différente, et on le voit quand il essaie de revenir à des trucs hyper marqués, très proches de ce qu'il a pu faire avant. Ça marche pas. Alice, il a essayé de faire un univers très coloré, bizarre, et ça collait pas du tout à l'œuvre de Lewis Carroll finalement. C'est pour ça que le film paraissait si peu inspiré, alors qu'il y avait plein de trucs Burton dedans, mais c'est juste que la tambouille fonctionnait, enfin, prenait pas, quoi. Oui. Et je trouve que là, du coup, il revient à quelque chose d'un peu plus épuré, et en même temps, j'ai retrouvé tout ce que j'aime chez Burton. Donc c'est des personnages en marge de la société, c'est des thèmes qui nous invitent à célébrer nos différences. Alors, moi, ça me parle tout de suite. Et à côté, on est dans quelque chose qui va plus vers l'efficacité, surtout dans la dernière partie du film. Ouais. Mais en même temps, ça fonctionne plutôt bien, je trouve. Moi, j'ai trouvé que la fin... Alors, c'est clair que le début prend son temps pour tout exposer et que la fin est... a plus de peps, le rythme s'envole vers la fin. Mais je trouve pas que ça fonctionne moins bien que ça. Le petit reproche que j'aurais à faire au film, finalement, c'est que si on décroche un peu, on est vite perdu dans tout ce qui est boucle temporelle et compagnie. Ouais. Voilà, là on peut être vite paumé, et je suis même pas sûr qu'il n'y ait pas un petit souci au niveau de l'écriture. Voilà. Parce qu'il y a un truc, revoie le film quand je l'aurai en Blu-ray, parce qu'il va l'avoir en Blu-ray. Hein. Mais je pense que, enfin, moi je me suis fait la réflexion, il y a un petit truc, il y a un moment où il revoyage dans le temps. Et je me dis, mais c'est pas possible. On va en parler après dans la partie spoil. Dans la partie spoil, ouais. Mais voilà, ça c'est ce que je reprocherais. Sinon, après, au niveau des acteurs, moi j'ai trouvé qu'Eva Green était très bien. Elle était drôle, elle était pleine de délicatesse, de justesse. Asa Butterfield, il m'a pas marqué plus que ça, je le trouvais assez juste. Tu aurais pu mettre n'importe quel acteur à la place. Oui, peut-être, mais il a le physique pour jouer dans un Burton. Il a le visage pâle, il a des grands yeux et tout, c'est aussi pour ça. Et Burton, il faut pas croire, hein, il c'est quelqu'un de visuel, il recrute pas seulement le jeu. Oui. Et la Purnell, c'est typiquement un personnage burtonien, Eva Green aussi. C'est des gueules à jouer chez Burton, ça. Ah oui, complètement. Winona Ryder, c'est pareil, Johnny Depp, c'est pareil, et du coup... Keaton. Keaton aussi. Ouais. Keaton aussi. Et du coup, moi je trouve que ça fonctionne assez bien et la Purnell est très bien. Après, As a Butterfield, c'est vrai que là je lis le roman et le personnage a beaucoup plus de prestance dans le roman. Ça manque peut-être dans le film, mais il faudrait que je le revoie. Hein. Le problème, c'est que quand tu lis un roman après avoir vu le film, t'as envie de revoir le film parce que du coup, tu veux comparer. Et là, du coup, ça fait quand même un mois que j'ai vu le film. Et après, Samuel L. Jackson, bon, bah, le pied est total, quoi. Lui, il s'éclate et du coup, c'est communicatif, donc on s'éclate aussi. Après, en termes de technique, j'ai trouvé qu'il y avait des petits instants comme ça de poésie qui étaient très... qui était bien amené là, toute la scène où quand elle vole pour mettre l'écureuil ouais. Et c'est drôle parce que c'est une scène poétique et deux secondes avant c'est drôle faut que je remette l'écureuil qui va tomber de l'arbre, hein, il va tomber de l'arbre, oui, voilà. Et là il tombe réglé comme une horloge, mais ça, c'est je trouve que ça fonctionne bien. Et après t'as une belle scène où elle s'envole dans les airs, il y a la musique, elle contemple tout le domaine de Miss Peregrine, le manoir est super beau. Ouais. Au niveau des décors, c'est magnifique. L'île de toute façon est très jolie. Le choix des décors est assez joli, c'est très proche du roman. C'est très très proche du roman. Et le manoir d'ailleurs, c'est un manoir c'est des décors qui ont été filmés en Belgique. D'accord. Voilà. Okay. Donc je crois même que ça se visite. Donc le manoir est en ruine en Belgique. Hein. Il a été refait numériquement dans le film. Et du coup, je trouve que voilà, sur la réalisation, il y a la poésie qu'on trouve chez Burton. Donc ça m'a plu parce que c'est ce que j'aime voir chez lui. Après, j'ai trouvé que la photographie était vraiment très très belle. Les scènes de nuit, notamment, que j'ai trouvé vraiment très jolies. Plutôt vers la fin. Un peu tout le temps en fait. Ouais. Je trouve que la nuit est bien gérée. Ouais. La lumière. J'ai trouvé que ça dépendait. Hein. Vers la fin, j'ai trouvé ça un peu moins bien, mais au début, la scène de la voiture, la lumière, pas impressionnante, mais vraiment très très bien gérée au détour. Ouais. Il y a des scènes de nuit au début du film, je trouve, qui sont très très bien. Mais même la scène où, du coup, on voit les avions qui larguent. Les avions allemands qui passent au-dessus du manoir. D'ailleurs, le plan à la Pearl Harbor. Oui, c'est surprenant de voir ça chez lui. Mais bon, en même temps, il n'y a pas 36 manières d'illustrer ce genre de scène. Oui. Hein. Et c'est une scène importante du film. Donc bon. Là, j'ai trouvé que c'était joli. Ouais. Les couleurs, tout ressortait bien. L'éclairage, le manoir, tout ça. Voilà. Les scènes aussi. Il y a une belle scène... Il y a une belle scène où il y a plein de nuances, et là c'est limite proche du cinéma expressionniste, je trouve, où Jake il est guidé par deux ados de l'île qui l'emmènent sur les ruines. Ouais. Et c'est toute une scène qui se passe comme ça, dans une lumière très bleutée, mais en même temps avec beaucoup de jeux d'ombre. Je trouvais que c'était très joli. Ouais. Donc les séquences nocturnes m'ont plu, j'ai beaucoup aimé aussi la séquence sous-marine, avec le bateau. On voyait quand même beaucoup dans la bande-annonce. Ouais, on la voyait beaucoup. Ouais. Et c'est vrai que c'est une belle scène. C'est bien joué, je trouve. C'est bien orchestré, en tout cas. Ouais. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'images de synthèse et on les voit pas forcément toutes. Non, franchement, quand elle enlève l'eau de la salle ou des trucs comme ça, ouais. Enfin, c'est assez impressionnant. Ouais. Bah, les pouvoirs d'Emma ou de Olive, qui sont quand même les plus voyants. Ouais, au niveau des pouvoirs, je disais au niveau des CGI, mais je prenais en compte les pouvoirs, y a pas vraiment de soucis, quoi. C'est vraiment, c'est nickel, quoi. Voilà. Ouais, même la petite fille qui a une force surhumaine. Bouge derrière, celle qui a la bouche derrière la tête. C'est pareil, ça passe très bien. Celle qui fait grossir les légumes, les végétaux, pareil, pas de problème. Ouais. Je trouve que visuellement, ça rendait bien. Et du coup, oui, il y a cette fameuse scène vers la fin où il rend carrément hommage à Ray Harryhausen, le maître des effets spéciaux ouais. en stop motion. Là, enfin, il y a clairement un hommage à Jason et les Argonautes, quoi. Ouais, complètement. Et voilà, moi je trouve qu'il s'amuse dans ce film et en même temps qu'il revient à tout ce qu'il sait très bien faire. Voilà, moi je suis ressorti avec la banane, j'étais très content. Et j'ai vraiment envie de le revoir et voilà, moi je suis très satisfait. Après, en termes d'adaptation, c'est encore difficile d'en parler parce que j'ai pas lu le roman en entier, mais pour le moment je trouve que ça va, ça adapte pas trop mal. Ouais. Hormis, comme je l'ai dit, d'autres personnes, enfin deux personnages principalement dont les pouvoirs ont été inversés. Mais bon, non, ça gêne pas à la lecture du film. Enfin, je veux dire, c'est le genre de détail qui, dans une adaptation, gêne pas plus que ça. Ouais, je vois. Donc voilà quoi. Moi, ce que j'en pense Ok. grossièrement, j'ai beaucoup aimé. Et après, pour moi, c'est pas un retour de Burton, parce qu'il est jamais vraiment parti. C'est un retour aux sources, par contre, je Oui. trouve. Mais voilà, pour moi, c'est un bon Burton. Ok, d'accord. Bon, bah, on va passer à la partie spoil. Bon, ceux qui l'ont pas encore vu, vous pourrez avancer. Je sais pas. De toute façon, il y aura les time codes. Il y aura les Timecode, time codes sur le site, sur l'article du podcast. Donc, si vous voulez ne pas vous faire spoiler, regardez là et comme ça, vous ferez pas spoiler. Oh là là, j'ai eu du mal avec cette phrase. Voilà. Donc, moi, j'ai eu un gros souci à partir d'1h10, 1h15 du film, au niveau du scénario, où ça partait dans tous les sens, et j'avais l'impression de regarder un film complètement différent, qui me... Personnellement, ne m'a pas plu la dernière partie. C'est vraiment. Enfin, ça part dans des explosions, des machins. Bon, il en faut un peu, mais pour moi, le plus gros moment. Enfin, je me disais, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder? J'avais l'impression de regarder. Bon, une production Asylum bien faite. Alors, je sais, je suis en train de dire. C'est à partir de la fête foraine, où il y a des squelettes qui combattent je sais même plus le nom des méchants, des scrogneugneux ou des Des machins. sépulcres. Sépulcreux, Et voilà. d'ailleurs, dans le livre, il s'appelle pas pareil. Il s'appelle comment des. Des estres. D'accord, ok. Estres. Ok, Pourquoi ils d'accord. ont changé ça dans le film? Je sais pas, sépulcreux des. Enfin bon, voilà, bon, c'est pas le nom qui compte. Mais genre, à partir de cette scène, j'ai trouvé que c'était vraiment n'importe quoi. Les passants. Qui sont dans la fête foraine et qui voient des squelettes débarquer comme ça, qui sont là, oh regarde, il y a des squelettes, ils prennent des photos, ils se font pousser par des trucs qu'ils voient pas et ils restent à côté, ils s'en fichent. Il y a vraiment des trucs complètement illogiques à partir de cette séquence qui m'ont vraiment Alors que moi marqué, j'ai enfin trouvé qui ça m'ont. assez jouissif comme séquence. Ouais, non, mais j'ai trouvé ça vraiment. Enfin, j'ai trouvé ça con. Si t'as ça devant toi, tu vas pas Oui, rester là, la regarde les réaction des gens, photos. mais je veux dire, la scène en elle-même, elle a une logique, parce que les squelettes, c'est l'un des particuliers qui les contrôle. Ouais, mais j'ai. Enfin, Donc... j'ai trouvé. Avec la musique en plus, enfin, ça faisait vraiment très. Très kitsch. Mais vraiment très, très kitsch, Mais quoi. après, c'est volontaire aussi, hein. Ouais. C'est peut-être volontaire, mais ça dénote tellement par rapport à tout ce qu'on a vu avant, qui était beaucoup plus poétique, beaucoup plus engageant, alors que là. Mais t'as une cassure de toute façon dans le film. Ouais, Qui se fait oui, à comme je partir le du disais. moment où les méchants entrent en scène. Enfin voilà, Ouais. au départ, c'est présenté un peu comme un paradis, le manoir de Miss Peregrine. Ouais, justement, Donc, mais. Ouais, moi, c'est la manière de gérer les méchants. Qui m'a vraiment dérangé. Il y a vraiment des trucs illogiques par rapport au. Bon, moi déjà, ce que je comprends pas, c'est à propos des téléportations. Je comprends pas qu'on nous parle de boucles temporelles. D'accord, je comprends, le temps, c'est peut-être lié à l'espace, mais pour l'instant, on nous a dit que c'était juste lié au temps. Et là, enfin, que c'était juste pour le temps. On pouvait se déplacer dans le temps, etc., à un endroit précis. Et on ne pouvait pas bouger. Et d'un coup, on peut prendre les boucles pour aller n'importe où, pour aller au Japon, pour aller. Et il se suffit de déplacer prendre. de boucle en boucle. Ouais, voilà. Et c'est pas expliqué. Enfin, j'ai essayé de relire. Le résumé complet sur Wikipédia avec la fin, enfin tout qui fait complet, et j'ai rien compris. À un moment, à la fin, quand le héros principal, maintenant j'arrive plus à me souvenir de son nom, Asa Jake. Butterfield, Jake, voilà, ben passe de l'Angleterre aux États-Unis, on comprend pas. Le montage est désastreux. Il y a vraiment aucune. Enfin, on a l'impression qu'il a envie de rusher la fin. Pour Enfin, je sais pas. Il a passé une heure à nous montrer, enfin, à nous faire une belle exposition, etc. Et la fin, il veut la rusher absolument. On passe de l'Angleterre aux États-Unis sans explication. Bah, j'ai quand même besoin d'une explication. Un gamin de 10 ans, il va pas. Enfin, voilà. Enfin, j'ai eu beaucoup de mal avec ça. Aussi au niveau des parents, le traitement des parents qui est complètement idiot. Même si, ok, d'accord, le père, c'est clairement un père pas exemplaire. Bon, c'est pas au niveau de Captain Fantastic, hein, mais, mais d'accord, il est bourré, il s'endort, alors qu'il, enfin voilà, il s'endort au beau milieu de l'après-midi, etc. C'est développé dans le. Ouais, mais là, vraiment, c'est pas expliqué. Genre, la dernière fois qu'on voit son père. En fait, quand tu lis le roman et que tu vois le film, enfin, du coup, de ce que j'ai lu, tu sens vraiment que Burton a sélectionné des trucs qu'il avait vraiment envie d'adapter. Mais. Et il s'est focalisé là-dessus au détriment d'autres choses. Ouais, parce que la dernière fois qu'on voit son père, c'est sur la plage en train de courir derrière son fils pour l'empêcher d'aller, enfin, de partir, quoi. Et on le voit plus du tout dans le film. Genre, son fils, il s'en fout de son père, même si, d'accord, il le traite un peu mal, mais c'est quand même son père, je veux dire. Bon, il le bat pas non plus, quoi. Il y a vraiment des trucs, ou alors quand il retourne aux États-Unis pour voir si son grand-père est toujours vivant, ben voilà, il s'en fiche de ses parents, quoi. Mais vraiment. C'est vraiment, il y a, enfin, pour moi, il y a eu un gros problème au niveau de ça. Alors, c'est peut-être mieux expliqué dans le roman, mais au niveau du film, j'ai eu un gros souci au niveau de ça. J'en suis pas encore là, donc. Ouais. Moi, j'en suis à quand il. J'en suis à quand Miss Peregrine recharge la boucle, en gros. Ouais, ok, oui, mais c'est encore quand, enfin. Moi, le film, il me plaisait encore à ce moment-là. Mais voilà, il y a tellement de trucs. Aussi, bon, c'est minime, mais genre, le plan des méchants, il est complètement con. On dirait un plan de méchant de Scooby-Doo. Mais vraiment. Le plan des méchants. Ah oui, d'attraper les enfants. D'attraper les enfants pour manger leurs yeux. Ouais. Alors, dans le roman, c'est pour boire leur sang. Oh là là. Ouais, non, mais ça sort d'où, quoi? C'est vraiment, ça sort de n'importe où. Et les méchants, ils sont trop cons. Mais ils sont vraiment trop débiles. Mais après, je pense que le plan des méchants, c'est celui du roman. Hein. Ouais, mais je sais pas, je trouve vraiment. Et là, pour le moment, les estres sont évoqués, mais on sait pas qui ils sont, on sait pas. Parce qu'au départ, en fait, dans le roman, Emma prend Jacob pour un estre. Ouais, parce qu'il arrive à pénétrer dans leur boucle. Donc ça le. Ça l'étonne, ah oui. Et elle a des doutes, ouais. Et elle le soupçonne d'être un sépulcreux, en fait. Ah ouais, c'est. Mais c'est juste ça. Ouais. C'est juste ça. Pour le moment, on ne sait pas qui sont les sépulcreux, en fait, si tu veux, dans le roman. Donc je ne peux pas te dire si. Oui, non, ouais, bien sûr. Non, mais moi, je dis ce que j'ai ressenti par rapport au film, par rapport à l'histoire, à cette fin qui est vraiment bizarre. Aussi au niveau. Bon, il y a un truc. Enfin, il y a eu 2-3 spectatrices qui étaient derrière moi qui ont dit mais pourquoi tu fais ça Jake sait pas tirer à l'arbalète. C'est un naze, il sait pas tirer à l'arbalète. Il manque à chaque fois. C'est un gag dans le film. Ouais, mais ça. Et après. C'est ce que le méchant lui dit, justement. Oui, tu sais pas tirer, nanana. Moi, ça me choque pas parce qu'en fait, je trouve qu'il y a ce côté burlesque de toute façon qui est dans le film. Oui, les méchants sont tellement loufoques. Enfin, de toute façon, c'est un plan de merde. Ouais. Et du coup, en fait, ça. Ça me choque pas parce que vu qu'ils sont présentés comme ça, en fait quand t'acceptes ce constat-là, je trouve que le reste coule plutôt bien, quoi. Oui, ouais, mais enfin au niveau on de la sent bien qu'il a pas voulu en faire des méchants menaçants. Ah non non, mais complètement. Mais au niveau de, je voulais juste revenir rapidement, c'est que voilà, il le loupe. Ça c'est la blague, on se marre bien. Mais après. Alors je sais plus, c'était l'autre qui s'est contrôlé les marionnettes, je crois, qui s'est bien tiré à l'arbalète. Il passe à Jake l'arbalète pour tuer le méchant, alors qu'on a bien vu qu'il s'est pas tiré. Alors pourquoi c'est pas celui qui s'est tiré qui tire? Mais c'est pas parce que sa copine, il faut qu'il sauve sa copine, non? Il y a pas un truc comme ça? Olive, à un moment, elle se fait glacer ou je sais plus quoi. Ouais, alors là, je t'avoue que j'ai plus vraiment le film, Il y a enfin, ça, Olive, pour... elle se fait glacer et du coup, j'ai perdu son nom, hein, celui qui contrôle les marionnettes. Ouais, moi aussi. Pas Millard ou je sais plus, mais et du coup, il reste avec elle, en fait. Ouais, Dans le cirque là, mais là. il est dans la même pièce, il passe l'arbalète, enfin tu vois, il l'a pas juste à côté, il est à côté. Et Bon, puis il la voilà, donne bon, pour que Jake aille chercher le baron, là, le oui. Samuel L. Jackson, quoi. Ouais, enfin, Mais c'est bon. parce que lui, il reste avec Olive, en fait. Mais alors, c'est un autre qui lui passe l'arbalète. Bon, je sais plus. Bon, voilà, il y a un problème avec l'arbalète. Vous serez au courant. C'est comme les lunettes de Clark Kent, ça. non, c'est pas le plus gros problème, on s'en fout. Mais voilà, aussi le méchant qui tue l'autre méchant. Enfin, bon, on a vu ça dans des Scooby-Doo. Enfin, voilà. Le méchant qui tue le méchant. Il est enfin il prend la forme de Jake et Oui. l'autre il prend Jake pour le vrai alors qu'il voit qu'il y a un double enfin voilà il y a des trucs un peu vraiment Ah oui, à la fin, ouais quand le sépulcre se fait quand le dévorer par l'autre sépulcre sépulcre. voilà c'est ça Oui. parce qu'il a pris la forme de Jake alors qu'il y a un autre Jake à côté bon voilà il y a des Ça, je trucs comme sais, mais ça. ça, voilà, ça, je peux pas te dire si c'est dans le roman ou Ouais, pas. ouais, ouais. Mais Non, ça, mais enfin, à je mon pense avis. quand même, enfin, en général, sur les fins, ils essayent de bien adapter quand même, parce qu'ils À mon savent que avis, ça va il gueuler a pris. derrière, mais je pense que Ouais. ça, c'est dans le roman, par contre. Il a pris des trucs qui lui plaisaient, mais sans vraiment faire attention à la logique des choses, quoi. Oui, tu sens que Pour ceux qui n'ont pas c'est lu, pas en tant fait. le dénouement qui l'intéressait, mais plutôt l'exposition des C'est personnages. ça. Mais C'est peut-être pour exactement, ça qu'il c'est a ce que pas j'ai prévu de faire ressenti. les deux autres. C'est exactement ce que j'ai ressenti. Et donc voilà, moi c'est alors pour résumer mes Mais problèmes, après, c'est c'est vrai que moi, ce que j'ai retenu du film, ouais. c'est vraiment tout ce méchant. En fait, si tu veux, toute la fin, elle est là parce que oui, de toute façon, il faut qu'elle soit là. Et j'ai un peu Oui. pris comme ça, mais finalement, moi, ce que je retiens surtout du film, c'est tout ce que Burton met en avant, en fait. Le fait que c'est des enfants différents et qu'ils sont pas Oui. acceptés par la société, en fait. C'est surtout ça, moi, que j'ai retenu du film. Ouais, mais alors pourquoi 45 minutes qui viennent te, enfin, qui viennent vraiment. Moi, j'ai trouvé ça, c'était gâcher son propre film, quoi. C'est pas passé pour moi, en fait. De Voilà, toute façon, c'est. moi, je pense que je referai un point dessus quand j'aurai Ouais. fini de lire le roman, à la limite. Mais alors, À c'était quoi qui l'occasion de t'avait, c'est la... toi qui t'avais dérangé? Mais du coup, c'est les voyages dans les boucles, parce Mais qu'il y a voilà. un Mais je moment, comprends pas. j'ai pas trop compris non plus comment ça se fait qu'il... Pourquoi il est passé du Royaume-Uni aux Mais c'est pas États-Unis le comme fait, c'est ça? pas le fait qu'il voyage de boucle en boucle qui m'avait choqué, mais c'est le fait que... C'est surtout qu'il remonte le temps, en fait, il remonte le temps Ouais. à l'assassinat de son grand-père. Oui. Non, mais juste Et pour en aller fait, voir il son. peut, et en fait, lui, il remonte le temps et il revit sa vie à partir de là, en gros. Ouais, voilà. Et genre, il y a pas de conséquences pour. Mais après, il retourne au Alors que les Royaume-Uni. particuliers, eux, Ils sont restés comme s'ils ça. s'aventurent dans le temps présent, ben, ils finissent par mourir. Oui, voilà, justement, et c'est bon, d'accord, c'est une fin ouverte, je veux bien, mais il faut quand même, enfin là, comme c'est fini, on peut croire qu'ils vont tous mourir sauf Jake, quoi, parce qu'ils Ben repartent non, pas parce vraiment vers que une eux, boucle ils vont. temporelle. Ben si. Si, ils repartent vers une boucle Ben temporelle. oui, ils repartent dans une boucle à la fin. Ils sont dans le bateau, Ben justement. et c'est une boucle temporelle le bateau. Ben du coup, le bateau leur sert à repartir. D'accord. Ben, j'ai pas compris ça comme ça, en tout cas. Mais c'est vraiment. Ouais, voilà. Mais ça, oui, non, mais de toute façon, cette partie-là manque de détails. D'explication. Ah oui, mais complètement. Mais vraiment, quoi. Mais après, je pense que Donc. c'est parce qu'il a vraiment pris le temps. Après, je pense qu'il y a le studio derrière aussi qui met une pression. Hein. Faut pas, faut pas, Ouais, faut non, mais jamais, moi, je mets. Enfin, faut je mets jamais, pas faut jamais, faut toute la jamais pression oublier sur ça. Mais je pense Burton. que Tim Ouais. Burton, quand on lui a redemandé de recouper son film, parce qu'on lui a certainement redemandé, hein, en général, C'est sûr. les réalisateurs font toujours des versions plus longues que ce qui est prévu. Ouais. Je pense que lui, il a choisi, et du coup, c'est pas forcément un bon choix, de garder une introduction riche en détails et qui prend son temps, et du coup de faire une fin beaucoup plus rythmée et du coup moins explicative. Ouais, voilà. Pardon. Donc voilà, moi c'est vraiment ça m'a vraiment posé problème. Peut-être que je m'acharne sur des détails, mais Après du coup je pense que ça c'est ouais, c'est pour ça que le film mérite d'être vu deux fois, je pense. C'est possible. Si je le, ça se trouve, je le revois et je serai moins déçu. Ça se trouve, oui, ça sera peut-être plus clair après. Ouais, mais c'est moi possible. Aussi, oui. Et finalement, tu vois, je comprends parfaitement parce que ça m'a un peu fait la même impression, sauf que du coup, je me suis moins attardé sur ce détail-là. Ça Ouais, m'a moins. ouais. Parce que je te dis, c'est pas ce que j'ai retenu du Oui, film. bah oui, non, non, mais je comprends parfaitement, je comprends. Mais c'est juste que j'ai passé 45 minutes à me dire, mais qu'est-ce qui se passe, quoi. Parce qu'en fait, pour moi, l'action du film, c'était qu'un prétexte à mettre en avant des messages forts et des Ouais, thématiques. ouais. C'est comme ça que Complètement. je l'ai vu, en Mais j'ai fait. l'impression qu'il a été un peu obligé, genre, de mettre vraiment de C'est l'action ça. à fond. C'est un projet Enfin. qui l'intéressait, mais du coup, bah, il s'est quand même produit par Il la voilà, Fox et. il fallait mettre de l'argent dedans, donc il Bah, fallait c'est trouver un ça. pro. Ouais, voilà. Est-ce que t'as tout, tu veux dire quelque chose pour finir? Parce que Bah, je vais non, pas rien de finir sur ce plus. genre. Ouais. Après, enfin, moi, je suis content de revoir. Enfin, je suis toujours content de voir du Burton, hein, de toute façon, Bah oui, ouais. mais du coup, ouais, moi, j'ai été assez satisfait par ce film, qui mérite un deuxième visionnage, du coup, Ouais, ouais, à mieux bah. réfléchir. Ouais. Mais pour moi, voilà, c'est pas un mauvais cru du tout. D'accord, ok. Ben moi c'est moyen, voilà. Mais je Mais à mon redonnerai avis, sa on refera chance. le point là-dessus parce que Ouais, je redonnerai sa on pourra chance. pas le faire avant la fin de l'année, ce qui sera pas sorti. Ouais, non, non, je pense pas qu'il sera sorti, mais voilà. C'est quand il sera sorti et que, enfin, quand je le Il est reverrai. sorti en octobre, donc il sortira en DVD d'abord février et mars, quoi. Février et mars, ouais, c'est ça. Voilà, donc ben, pour ceux qui ont pas écouté la zone spoil, on sort de la zone spoiler et on va passer tout de suite à ben, la mid-heure déjà. Ouais. Voilà. À la dernière rubrique de ce podcast, donc c'est l'ami nerd, et ben ce mois-ci c'est à moi de parler puisque Morgan a fait sa disserte la semaine dernière, le mois dernier sur The Walking Dead. Et non, on va pas parler du dernier épisode parce que aucun de nous deux l'a vu, et ben voilà, on va pas vous parler de ça puisque. Enfin, ça nous intéresse pas. Mais moi je voulais vous parler d'une série aussi, mais c'est d'une série de documentaires sur HBO de 6 épisodes. Donc, avant que je vous donne le nom du truc pour Mais que vous alliez racheter. je crois que j'ai vu ce que c'était. Ah, ok. Que je vous donne le nom pour aller chercher sur Wikipédia ce que c'est, nana. Ce que je vous demande de faire, c'est ne pas aller chercher sur Wikipédia parce que vous allez vous faire spoiler. Ah bon? Bah, je pense pas parce que la page est pas accessible, alors Elle est. elle est Enfin bon. rouge, en rouge, donc tu veux pas y aller. Ah oui, non, elle est en anglais. Ah, Donc, mais sur voilà. Wikipédia anglais. Oui. Moi, Donc. je vais sur Wikipédia français. Je parle pas assez bien anglais pour aller sur Wikipédia anglais. Donc voilà, ceux qui comprennent l'anglais, n'allez pas sur Wikipédia parce que vous allez vous faire spoiler et sûrement une des meilleures. Enfin, des meilleurs documentaires séries jamais produits. Donc voilà. Ça s'appelle The Jinx, Life and Death of Robert Durst. Donc Ah, bon, c'est. c'est pour ça du tout. Ah, c'est pas ça du tout que tu pensais, Mais non, d'accord? en six épisodes? Oui. Bah oui, moi je voyais High Maintenance. Non. Non, Comment pas ça du tout. s'appelle? De Jinx. Jinx, pardon. Donc, n'allez pas non plus lire les critiques sur Sens Critique parce qu'ils vous spoilent vraiment à foison. Donc, c'est une série documentaire basée sur une histoire vraie. Donc là, je vais vous prendre le résumé de Sens Critique, qui est pas terrible, mais au moins ne vous spoile pas. Donc, 2001, Galveston, au Texas, le corps de Maurice Black est découpé, flottant sur une rivière. Au travers d'interviews, d'images d'archives et de reconstructions, The Jinx explore l'enquête impressionnante qui suivit, faisant de cette affaire l'un des faits divers les plus retentissants, les plus mystérieux de l'histoire criminelle américaine. Donc là, quand je vous parle de ça, j'ai l'impression de vous parler d'un épisode de crime ou des trucs comme ça que je déteste, ces genres de trucs que je supporte pas. Et ouais, voilà. Enfin, toutes les trucs basés sur des histoires vraies, enfin tous les trucs de crime basés sur des histoires vraies, c'est vraiment des trucs que je peux pas supporter. Mais ça, enfin ce truc là, j'ai vraiment adoré. Et je crois que c'est un des trucs qui m'a fait le plus flipper de ma vie. Et j'ai pas pu dormir toute une nuit à cause de ça, parce que j'ai regardé tous les épisodes d'un coup, et après moi je pouvais pas dormir parce que j'étais tétanisé par le truc. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on, ben, c'est en fait un documentaire qui reprend un peu qui reconstitue des choses qui sont passées avec Robert Durst. Donc c'est celui qui a apparemment, puisque de toute façon il n'a pas encore été condamné, même dans la vraie vie, pour un meurtre, donc apparemment. Donc on fait une reconstitution, etc. Et les épisodes sont très... Enfin, ils vous dévoilent au fur et à mesure, donc c'est ça qui est bien, c'est qu'on n'est pas tout de suite au courant de tout ce qui se passe, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas aller voir Wikipédia. On est vraiment au courant de tout qu'à partir de l'épisode 5, et à partir de l'épisode 5, c'est là où ça... Enfin, déjà les 5 premiers épisodes sont géniaux, mais ouais, à partir de l'épisode 5, pardon, ça change complètement, parce que le réalisateur de la série, donc Andrew Jarecki, qui avait fait un film fictionnel sur ce mec, qui s'appelait, alors maintenant j'ai plus le titre je suis vite en train de rechercher sur Wikipédia, mais il avait fait un film fictionnel sur cette histoire-là, en mettant le doute sur la personne de Robert Durst, puisque c'est quelque chose qui est pas encore jugé aux États-Unis. Love and Secrets avec Ryan Gosling et Kristen Dunst. Donc le film apparemment est pas génial, je l'ai pas vu. Mais le documentaire part de l'histoire que Robert Durst, en fait, vraiment, après avoir vu le film, a appelé Andrew Jarecki, celui qui fait le documentaire et celui qui a fait le film, pour faire un documentaire sur sa vie. Voilà. Donc ça part comme ça. On nous expose un peu les faits au fur et à mesure. Alors, il y a l'épisode 1 et l'épisode 4... Il y a des moments vraiment, c'est très visuel. Ils montrent des vraies images. Donc là, enfin, c'est vraiment, c'est pas pour tout le monde, vraiment. Mais ceux qui peuvent supporter, c'est pas pour très longtemps en plus, heureusement, parce que sinon moi j'aurais pas pu supporter. C'est quelque chose de passionnant. C'est filmé avec les moyens d'HBO. Donc c'est vraiment et on a l'impression que ça ferait putassier de faire un truc un truc un peu fictionnel comme ça sur ce genre d'histoire, mais c'est fait avec un tel soin et c'est vraiment génial. À partir de l'épisode 4, donc je disais l'épisode 5 pardon, Andrew Jarecki se met en scène dans son épisode jusqu'à l'épisode 6, qui est un des épisodes un des moments de télévision que je crois que ceux qui l'ont vu n'oublieront jamais, parce que c'est quelque chose qu'on a jamais vu, même à la télé américaine, qui est très sensationnelle, hein. Là c'est vraiment quelque chose qui fait vraiment moi j'avais rien que d'en parler, j'ai encore le cœur qui bat parce que je me remets la scène en tête. Alors le souci, c'est que Je veux pas trop vous en dire, parce qu'il faut quand même garder du suspense, et je suis sûr que ceux qui sont intéressés par le truc, par ce genre de choses, seront le trouver, et ça se trouve l'ont déjà vu, mais je voulais quand même le conseiller parce que je crois pas qu'il est super connu non plus en France. Le problème, c'est qu'il est pas disponible en français, donc je vous conseille de le télécharger, hein, je suis désolé, mais en même temps il n'y a pas trop d'autres moyens de le voir. Donc il faut le télécharger, et il y a sûrement il y a des épisodes en VostFR, donc du coup qui sont déjà sous-titrés, donc là il n'y a pas de souci pour ça. Donc c'est pas pour tout le monde, vraiment, mais ceux qui oseront faire le pas, parce que moi au début je me suis dit je sais pas si j'oserais, parce que j'aime pas ce genre d'histoire, j'aime pas ce genre de truc normalement, mais là j'ai osé faire le pas et je regrette pas, et en même temps c'est un truc que je pourrais plus jamais revoir parce que ça m'a tellement tétanisé que à chaque fois que j'y repense, j'ai vraiment, enfin, ça m'a vraiment fait flipper comme aucun autre truc que j'ai pu voir ne m'a fait flipper quoi. Donc D'accord. voilà, c'est spécial, c'est vraiment pas pour tout le monde, comme je l'ai dit. Mais si vous osez faire le pas, je pense que vous ne regretterez pas. Voilà. Je pense pas que t'en avais entendu parler. Non, ça me branle. Non, pas du tout. Ouais, donc moi sur Sens Critique, il se tape bon, un 8 de moyenne générale, donc Oui, c'est ce que j'ai vu. c'est quand même quelque chose qui. Ben, c'est pas toutes les séries qui se tapent ce genre de moyenne sur Sens Critique. Donc voilà, je vous conseille vraiment de la voir. Voilà. C'est tout pour moi. Le mois prochain, ben on repassera à toi, Eddy, pour la minute nerd. Donc Pour voir voilà. que je trouve quelque chose. Ouais, moi j'hésitais encore enfin je savais pas trop de quoi parler et puis en fait ça je l'ai vu trois jours avant d'enregistrer le dernier Movies Nerd donc du coup donc du coup j'avais vraiment envie d'en parler dans le dernier mais bon comme c'était la place de Morgan j'allais pas lui voler son moment Walking Dead donc voilà c'est tout pour ça ben on va passer maintenant à la fin de l'émission. Nous sommes donc à la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode numéro 29 de podcast Movies Nerd. Ça fait déjà 29 émissions, putain. le mois prochain, la 30e. Ben voilà, merci à Eddy aussi, merci à toi d'avoir participé, enfin, d'être là comme d'habitude. C'est un plaisir. Merci. Je sais pas si c'est un plaisir pour les auditeurs, mais en tout cas, moi, oui. Ils en jugeront quand ils écouteront l'émission. Donc voilà. On va rappeler rapidement tout le blabla qu'on fait d'habitude. Donc, pour retrouver toutes les critiques et toutes les émissions qu'on fait, c'est sur moviesnerd.net. Donc voilà, si vous voulez savoir de tout ce qu'on parle, enfin au niveau des critiques aussi, au niveau des émissions vidéo et audio, c'est là-dessus. Ensuite, on est sur les réseaux sociaux, donc Facebook et Twitter. Donc Facebook, c'est moviesnerd tout court, et Twitter, c'est movies_nerd, pardon. Voilà, vous pouvez aller sur PodCloud et iTunes pour nous noter ou mettre des petits commentaires parce que ça nous aide à monter dans le classement de ces deux produits, enfin non, de ces deux logiciels, on va dire, même si c'est PodCloud, c'est un site web, mais voilà, ça nous aide grandement. Donc voilà, n'hésitez pas. Juste pour moi, donc Twitter et Sens Critique, si vous voulez me retrouver, c'est TheLexal, THELEXAL. Et voilà, je vais juste avant de passer la parole à Eddy de rappeler que vous pouvez souhaiter un bon anniversaire à Morgan en retard sur Cinémorgan sur Twitter, voilà. Et maintenant je laisse la parole à Eddy. Donc où est-ce qu'on peut te retrouver sur l'internet? Donc moi sur l'internet. pardon. Sur l'internet, on peut me retrouver sur Sens Critique, Eastark, sur Movies Nerd, Eastark aussi, sur Twitter, Eastarkfil, sur Google Plus, Eastarkplay, sur YouTube, Eastarkplay aussi. T'en as fait récemment Des vidéos trop, mais ça viendra. Il faut que je change d'ordinateur, sauf que j'ai pas mis le roi, mais dans un ordinateur. Ouais, ça c'est. Voilà. Mais j'attends avec impatience la sortie de Planet Coaster. Ah oui, c'est mais le problème c'est que mon PC ne le supporte pas, donc il faut que je change d'ordi. Ouais. Voilà, voilà. Ouais. C'est terrible ça quand ça t'arrive. Ah oui, je confirme. Donc voilà, je pense qu'on a tout dit. Merci encore beaucoup d'écouter nos émissions. On se retrouve le mois prochain pour le 30e épisode du podcast Movies Nerd. Je crois qu'il y a quand même pas mal de films qui sortent en novembre. Donc, et en plus il y aura les fameux animaux fantastiques. Ah oui, ouais, je suis impatient de voir ça. Non, mais il y en a un que j'aimerais voir, mais ça va être compliqué, je pense, c'est Réparer les vivants. Oui, ça a l'air bien ça. Ouais. Moi, il faut que je voie Mademoiselle, voilà, de Park Chan Wook. Morgan l'a vu, il a adoré. En plus, il passe dans mon ciné, alors. Yes, je le vois lundi normalement, donc voilà. Dans 15 jours, vous pouvez retrouver le Parlons Cinéma numéro je sais plus combien, avec normalement Morgan et Eddie et moi-même, et aussi un invité exceptionnel, donc on va pas vous parler maintenant, mais vous découvrirez ça dans le prochain Parlons Cinéma. Voilà, merci encore et à la prochaine, ciao. Ciao.